8 de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se prie magnifique. Premier mot, ils sont champions de France. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. Un plaisir de vous retrouver encore une fois tous les lundis soirs donc sur Radio Campus Montpellier. Ce soir, il y a du monde à table. Hein. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde. Il y a du monde en terrasse. Ouais. Et j'accueille tout de suite Théo à ma gauche. Salut à tous. Théo qui doit être très content, hein, surtout qu'on procure du très bon rugby en ce moment. Ah oui, c'est magnifique en ce moment. C'est une orgie de rugby. Il y a, avec sa casquette comme toujours, Guillaume au fin gauche. Salut tout le monde. Tout en face de moi, il était présent au stade Pierre-Mauroy ce dimanche. Salut Tima. Salut à tous, salut. À droite, j'ai les champions des quiz ce soir. Le champion, ouais. Comment ça, le champion? Le champion et le recordman, voilà, si vous voulez, si vous préférez. Oui. Bonsoir Yacine, bonsoir Vincent. Salut à tous. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va faire un retour donc sur la journée de Champions League qu'il y a eu, mais ainsi un peu aussi d'Europa League. Pour une fois, on n'en parle pas souvent. On va parler évidemment, là j'ai marqué la grosse pousse du 15 de France avec son match nul contre le Japon. Le retour aussi des sports d'hiver dans Sport & Chill. Le bilan montpelliérain de ce week-end, c'est 6 victoires, 1 match nul et 4 défaites. Yes. Et donc on va parler surtout ce soir évidemment du tennis, notamment retour sur la Coupe Davis avec la victoire de l'équipe de France ce week-end. C'est formidable. Mais aussi avec une question sur le tournoi. Que faire pour redonner donc de l'intérêt à la Coupe Davis? Et pour ce faire, on aura aussi à la fin de l'émission un quiz tennis concocté par Vincent. Et on a invité Lionel Chamoulou hein, ce soir. Oui, donc on va. Non, c'est Vincent. On va faire un débat sur Rafael Nadal. Commence pas à m'insulter, s'il te plaît. Allez, on va commencer tout de suite sur Sport & Chill. Sport & Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Alors on va commencer tout de suite, là je vais changer, normalement je commence pas par le foot, mais là je vais commencer par le foot justement. Et on va parler de Champions League, je donne quelques résultats très sommaires, pas tous, hein. je donne surtout les gros clubs. Le Real Madrid a gagné 6-0 à l'APOEL Nicosie, Dortmund s'est incliné à domicile 2-1 face à Tottenham, Séville qui fait match nul contre Liverpool 3-3 dans un très beau match, et Monaco qui sombre en Champions League et qui perd donc à domicile 4-1 contre Leipzig. Ça c'était mardi. Mercredi, l'Atlético Madrid gagne 2-0 contre la Roma. Bâle qui gagne 1-0 contre Manchester United. La Juventus Barcelone, match nul et vierge 0-0. Et donc PSG qui met un carton à Séville 7-1. Au classement, donc il reste un match en Ligue des Champions. Pour l'instant, les qualifiés sont PSG, Bayern, Chelsea, Barcelone, Manchester City, Besiktas, Tottenham et Real Madrid. Est-ce que vous avez une réaction sur un match et peut-être une question plus générale, qui vous, pour l'instant vous a impressionné dans ces 5 premiers matchs? Bah après c'est toujours particulier de faire déjà des premières estimations après la phase des poules, parce qu'on sait déjà que certaines grosses équipes des fois comme le Bayern, le Real ou même le Barça se mettent en route même s'ils terminent premier, c'est pas forcément encore c'est comme on dit au mois de février qu'on voit les vrais. Mais après évidemment oui, le Barça reste quand même je pense après l'année un petit peu moyenne qu'ils ont passé, restera un candidat solide. Manchester City aussi qui plus est avec ce parcours en championnat qui est assez exceptionnel en Ligue des Champions, ils sont assez solides. Après nous voilà, le seul point noir ça sera évidemment Monaco qui était une équipe l'an dernier qui a quand même réussi à s'immiscer jusqu'au demi-finale, et là cette année qui vont peut-être terminer même dernier de leur groupe, qui terminent dernier sur un certain match. Donc voilà, ça reste quand même une vraie contre-performance pour nous français quoi. Moi, même si je vous fais à mon avis, au bout des 5 premières journées de phase de poule, les deux équipes les plus impressionnantes pour l'instant sont Paris et City. Mais bon, hormis ces deux équipes-là, l'équipe qui m'a vraiment le plus, c'est bien Tottenham. Ouais. Pour l'instant, premier devant Dortmund et le Real, c'est un événement. Je pense qu'on les attendait peut-être, ils avaient forcément les moyens d'arriver en 8e, mais de manière aussi éclatante, au bout de 5 journées, c'était assez inattendu. Quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. Parce que gagner à Dortmund, faut quand même le faire, hein, ouais. même s'ils sont friables. Même si cette année, ouais, c'est compliqué. Et tenir le résultat au Bernabeu et peut-être, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les flops un peu de cette Ligue des Champions, c'est un peu Dortmund et peut-être même aussi l'Atlético Madrid qui normalement va aller en Europa League, étant donné qu'ils ont 2 points de retard sur la Roma. Ils devront aller à Chelsea gagner. et la Roma devra gagner à Karabakh, ce qui devrait être à domicile en plus. Ouais, domicile, normalement, c'est ouais. Donc, et même je pense que si la Roma fait un nul à domicile, elle passe quand même. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils ont deux points d'avance. Il faut juste un match nul de la Roma. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu l'Atlético Madrid, un petit flop pour ces. Ouais, puis je pourrais ajouter Monaco du coup. Ouais, Monaco aussi. Enfin, même énorme déception parce que là, ils ont été carrément affligeants contre Leipzig. Moi perso, je m'y attendais un petit peu, mais pas à ce point-là, quoi. Enfin, de faire une entame de match aussi fragile et aussi peu sereine, c'est assez incroyable. Surtout pour un match aussi préparé où tu es censé le gagner. Je veux bien qu'il manque deux absences, Dibé et Lemar, mais il y a quand même quelque chose qui. Enfin, je pense que l'année dernière, c'était quand même une année où il y a eu énormément de réussite, et cette année, il y en a pas. Ça prend pas, quoi. Il y a trop de joueurs nouveaux, c'est compliqué. Belle performance d'ailleurs de Beşiktaş dans ce groupe. C'était pas forcément les favoris du groupe, et ils sont 4 points devant Porto qui est deuxième. Donc pas mal. L'an dernier, ils font un beau parcours en Europa League. Je crois qu'ils sortent en demi. Ah, il me semble que c'est l'OL qui les sort. Ouais, voilà, c'est l'OL qui les sort en quart. Ouais, en demi, ouais. En quart, oui. Ouais, voilà, donc c'est une équipe qui est toujours dangereuse. Et puis, ouais, qui plus est, quand t'as un des favoris au départ du groupe qui était Monaco et qui explose comme ça en route, forcément. Beşiktaş, ils ont été assez adroits pour s'immiscer au plus haut, quoi. Très bien. Bon, pour l'instant, les seuls groupes, je crois, qui sont pas qualifiés, il y a le groupe A avec Manchester United. Manchester United, il leur faut un point oui, à domicile contre CSKA Moscou. Ouais. Et le groupe E de Liverpool qui a 9 points, Séville a 8 points et le Spartak Moscou a 6 points. Donc rien n'est joué très encore pour ce groupe également. Voilà, on va passer à l'Europa League. On va en parler un petit peu de l'Europa League aujourd'hui. Et donc là, je donne uniquement les résultats français. Lyon qui s'impose facilement 4-0 contre l'Apollon Limassol. Si je ne me trompe pas, c'est Limassol. C'est ça. Ouais, c'est ça. L'OM qui fait le seul match nul donc des clubs français, un partout au Cognac. Très chanceux, oui. Et Nice qui s'impose et qui se qualifie d'ailleurs 3-1 contre Zulte Waregem, ce qui fait qu'on donc Lyon est qualifié et affrontera au dernier match l'Atalanta pour la première place du groupe. Ce sera l'extérieur, si je ne me trompe pas. Ouais. Nice est également qualifié mais finira deuxième, c'est sûr. Quant à l'OM, ils sont deuxième mais sont menacés par Konyaspor à 2 points derrière. Mais bon, normalement, si l'OM fait le boulot, ça devrait passer. Pour avec un match à domicile contre le Red Bull, qui est une équipe assez difficile à manier. Aussi, évident. Red Bull Salzbourg, précisé. Oui, et puis surtout Marseille qui peut s'estimer chanceux d'être encore en course parce que le match nul qu'ils obtiennent à Konyaspor, il est proprement miraculeux avec à la dernière minute le joueur de Konyaspor qui met le ballon dans ses buts. Alors que je me suis renseigné, c'est quand même le 15e de Turquie, quoi. Ouais. Je sais pas si vous réalisez, mais en termes de budget déjà, c'est une différence énorme évidemment. Mais quand c'est un club de comme si l'Olympique de Marseille avec le palmarès qu'il y a face à une équipe comme ça qui équivaut. Ouais, voilà, ça reste notre 3ème de Ligue 1 quoi, ou 4ème, je sais pas, mais c'est voilà, faut le dire aussi quand même qu'ils s'accrochent à nul par miracle face à rien, quoi. Ok, point sur les qualifiés, sur les gros, j'ai pas dit tous les qualifiés parce qu'il y en a beaucoup, mais sur les gros clubs, Lazio, Zenit, Sociedad, AC Milan, Braga, Villarreal, Dynamo Kiev ou encore Victoria Pilsen. Bon, j'ai mis Victoria Pilsen parce qu'ils ont fait une petite épopée en Ligue des Champions dernière. Tu noteras qu'il n'y a pas Arsenal, qui a perdu à Cologne. Qui a perdu à Cologne, oui. Cologne qui est quand même relégable en Bundesliga. Arsenal, ils sont sur les qualifiés. C'est juste moi qui ai oublié. Arsenal était déjà qualifié. Ah, ouais. Même sur d'être premier, je crois. Heureusement. Avec une équipe la plupart du temps, je crois. Question un peu bête et méchante. Est-ce que c'est l'année d'un club français, notamment, je pense évidemment à l'Olympique Lyonnais. Bah après, ça dépend aussi, je pense, des repêchés en Ligue des Champions, parce que on pourrait avoir carrément l'Atlético, le Napoli ou le Shakhtar, et des équipes aussi, certainement espagnoles, j'en oublie peut-être, mais l'Atlético Bilbao peut-être, ou Villarreal. Sporting, Portugal, Celtic, CSKA Moscou pour l'instant. Ouais, ou même c'est, Naples s'il gagne pas leur dernier match. Ouais, Naples doit. Bon, après, ça dépendra du résultat entre le Shakhtar et City aussi. Si City fait le boulot, c'est Naples qui passe. Mais enfin, bon, Shakhtar, c'est pas non plus donné. Sachant que City sont finis à premier, on sait jamais. Ouais, on sait pas comment ça peut se passer. Et donc, on pourrait avoir le Napoli en effet. Et donc là, ça sera pas une partie de plaisir. Hein. Ouais. Après, quand tu vois. Enfin, Naples, bien sûr, ça sera celui à éviter. Arsenal aussi. Mais quand tu vois Dortmund qui va peut-être être repêché. Ouais. Tu vois le Dortmund de cette année. Vu la forme ça du moment de Lyon, je me dis qu'il y a peut-être match, quoi, hein, même si ça me paraît bizarre vu comme ça. Mais est-ce, sur que, la c'est forme du moment, est-ce que c'est un favori pour vous, Lyon? Oui. Bah, c'est un gros gros. C'est ce qu'ils ont montré, oui. Oui. Dans la mesure où l'expérience de l'année passée peut jouer et conforter le groupe, donc si, on va dire que s'il y avait deux tableaux, tableau A, tableau B, il serait dans le tableau A, c'est sûr. D'accord. Ouais, bon. Mais je le mettrais quand même dans les quatre favoris. Ouais. Bon, moi, je okay. pense qu'ils peuvent après, viser au moins les quarts de finale. Quoi. Ouais, après, tout dépend s'il y a des blessures qui peuvent être importantes. Si ouais, Fisker se blesse, c'est pas la même équipe. Ça dépend forcément. Aussi des matchs. Quoi. Ouais. Si tu tombes sur Napoli en 8e ou en quart, et puis après, bon, voilà, ça dépend de. Ok, très bien. Bon, on a bien parlé d'Europa League, je pense que c'est assez. On en parlera peut-être par rapport au 16e de finale. On va passer au championnat étranger, à la Bundesliga en premier, avec le match que vous avez pas tous suivi, mais que vous avez tous vu le score, je suppose, avec Dortmund-Schalke et le 4 partout, alors que Borussia Dortmund menait 4-0 à la mi-temps, ah, enfin 25 vrai. Minutes d'ailleurs du jeu. Ouais, deuxième remontada, et à noter, c'était l'arbitre qui arbitrait ouais, le Barça-Paris, Barça-Paris ah ouais le 6-1. Ouais. C'est le même arbitre, donc ouais. c'est un spécialiste des remontadas. Monsieur Aitekin. Exactement. Monsieur Raymond Tada. Tu n'auras pas de points en plus pour le quiz. Non, non, c'était pas le but. Il méritait là quand même. Alors après, donc les autres résultats, Leipzig s'est imposé 2-0 contre Brême. Mönchengladbach a fait le résultat en gagnant 2-1 contre le Bayern Munich. La bête noire du Bayern qui est là. Ouais. Ce qui fait que donc au classement, le Bayern Munich est à 3 points devant Leipzig. Leipzig c'est pas terminé. Hein. Le Bayern n'est pas encore loin quand on compare à d'habitude. Et troisième, c'est Schalke et Mönchengladbach qui se partagent cette troisième place, égalité. En Liga, le Real a galéré, hein, 3-2 contre Malaga. L'Atlético, eux, n'ont pas galéré du tout. Ils ont gagné 5-0 à l'extérieur à Levante, notamment avec un doublé de Gamero, mais aussi de Griezmann. Là, si je ne me trompe pas, c'est Villarreal-Séville 2-2. Non, victoire 3-2, je crois, de Séville. Ouais, 3-2 de Séville à Villarreal. Ouais. Autant pour moi, victoire 3-2 de Séville. Et Valence-Barcelone, c'était un partout. D'ailleurs, ouais. Il y a eu un petit... Un but refusé pour Messi, alors que le ballon avait largement franchi la ligne. Ouais. C'est un peu contre Tsonga contre Goffin. Il y avait, il y avait au moins un mètre de ça aurait pu relancer le match, ou non. Ce qui fait que donc, au classement, Barcelone est premier avec 35 points, Valence deuxième 31, l'Atlético Madrid et le Real Madrid se partagent la troisième place avec 27 points. En première ligue, Tottenham a concédé des points contre West Bromwich Albion à domicile 1 partout. Manchester United a galéré contre Brighton en gagnant 1-0 sur un but contré d'ailleurs. Liverpool, Chelsea, c'était le gros choc, ça faisait 1 partout. City qui galère aussi d'ailleurs contre Huddersfield qui a gagné 2-1 à la toute fin d'ailleurs, but de Sterling je crois le dernier. Et Arsenal qui gagne contre Burnley également dans la douleur, 1-0. D'ailleurs la stat, hein, c'est un ami à nous, Rémi le, notre catalan préféré, qui m'a dit la stat de Arsenal-Burnley. Les trois derniers matchs de Arsenal-Burnley, Arsenal a marqué à chaque fois dans les prolongations. Enfin, dans le temps additionnel. Là, c'était un penalty de Sanchez. Donc voilà, les trois derniers matchs Arsenal-Burnley, Arsenal a été gagné à la toute fin. Voilà. Bon, c'était la petite stat qu'il fallait préciser. Sacré Rémi. Ça m'a permis de passer le bonjour à Rémi. Voilà. Du coup, je crois qu'ils reprennent la quatrième place à Tottenham. Non. J'ai pas noté le classement, je vais regarder ça tout de suite, mais Manchester City, premier. Oui, c'est ça. Arsenal, deuxième, quatrième. Arsenal est 4ème. Et Tottenham qui va 5ème. Ouais. Exactement, voilà. Chelsea est 3ème avec 26 points, Arsenal 25 points, Manchester United 29 et City qui est quand même déjà bien devant avec 8 points d'avance. Ouais. 8 points d'avance sur Manchester United. Et donc dernier championnat pour le plaisir de Yacine. Oh, oui. Serie A. L'Inter de Milan a gagné 3-1 Cagliari. L'Udinese a perdu à domicile 1-0 contre le Napoli. Lazio Fiorentina 1 partout. Juventus dans le match du dimanche soir a gagné 3-0 contre Crotone. Et l'AC Milan qui a fait 0-0 contre le Torino. Et c'était le match de trop pour les Milanais. Donc c'est comment il s'appelle déjà l'entraîneur? Vincenzo Montella était remplacé par Gennaro Gattuso. Donc je pense que des. Donc certaines... tu étais content toi, je suppose. Oui, à mon avis, c'est les murs des vestiaires vont sérieusement trembler dans les prochains matchs. Oui. Donc ça fera du bien. Voilà. Ouais, c'est déjà trop tard pour les qualifications européennes, hélas. Et le dernier championnat, le meilleur de tous. Pas l'Europa League quand même, non? Pas l'Europa League, mais la Ligue des Champions. Ah qui oui, était Ligue des Champions, c'est déjà quasiment terminé. Ouais, ouais. Faudra gagner l'Europa League du coup. Ce qui sera compliqué aussi. N'oublie pas ce qu'on a dit, Yacine. Hein. Donc, dernier championnat, comme je vous l'ai dit, le meilleur de tous, c'est la Ligue 1 avec la Saint-Etienne qui a concédé des points encore une fois contre Strasbourg, 2 partout. Très Caen qui gagne 1-0 contre Bordeaux. De raclette, finalement. Rennes qui gagne 2-1 contre Nantes. Lyon qui met la tollée à Nice 5-0. L'OM qui gagne de justesse 1-0 contre Guingamp. Et le match de dimanche soir, c'était hier, le PSG qui s'était imposé 2-1 à Monaco à Louis II. Ce qui, je crois, a donné des points au pronostic. Je sais pas, non, t'as mis Monaco, je crois, Guillaume, hein, si je me trompe pas. Bon, bref. J'avais mis à Nul, je crois. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Optimiste, bien sûr. Peut-être une réaction très rapidement sur le match d'hier. Est-ce que quelqu'un a regardé le match d'hier? Bon, c'est pas de suspense, quoi. Ça confirme ce qu'on pensait. Paris sera au-dessus cette année. Il y aura un wagon, je dirais, juste derrière qui sera avec Lyon, Monaco et peut-être Marseille pas loin. Mais Paris, ouais. Paris, si, je pense qu'ils se sont largement améliorés par rapport à l'an dernier. Et puis Monaco qui a régressé. Donc logiquement, l'écart, c'est. C'est agrandi et bon ben c'est malheureux à dire, mais bon voilà, pour moi le championnat est quasiment plié déjà, quoi. Il gagne facilement 2-0 à Monaco. Je pense que c'est un symbole qui est assez fort. À mon avis, Paris sera tranquillement au-dessus de cette année encore. Ok, d'accord. Tu voulais réagir. Juste pour noter qu'il y a deux entraîneurs qui ont peut-être atteint leur plafond de verre, qui sont un peu dans le dur. C'est Duprat à Toulouse et Gourvennec à Bordeaux, qui enchaînent un peu les performances mitigées. Duprat qui n'arrive pas à rééditer un peu. Duprat, il y a un malaise là. Je pense qu'il y a un problème, qu'il n'arrive plus à motiver les jeunes, les hommes. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas un entraîneur de maintien et qui peut tenir qui tiendra une ou deux saisons avec son discours, mais qui au bout d'un moment, son discours ne continue. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de projet, quoi. Enfin, ouais, comme tu dis, il va bouger les hommes dans le vestiaire, mais pour sauver. Mais après, dans la continuité. C'est peut-être un meneur d'hommes, mais pas un tacticien. Exactement. Ouais, c'est pas un tacticien. Peut-être qu'ils sont. Ils sont peut-être un peu le football, mais c'est pas un entraîneur qui peut te. C'est pas un Claudio Ranieri, ça c'est sûr. Ouais. Il peut-être fallu l'équipe comme Evian, c'est bien, mais. Et juste, dernier mot, juste sur Gourvennec, quand même, c'est quand même une sacrée déception, parce que Bordeaux avait quand même nourri pas mal d'ambition en ce début de saison. Ouais, qui avait pas mal démarré. Et c'est finalement, un mec qui propose à Guingamp en plus, Gourvennec. Ouais, Bordeaux est 13ème, ouais. Et c'est quand même pas terrible. Et on sent que voilà, Bordeaux ne trouve pas la clé. Voilà, ça plonge. Ok, très bien. On va continuer parce qu'on a bien parlé de foot aujourd'hui. On va continuer donc sur le rugby avec les résultats peut-être top 14 au début. Ouais, top 14 si tu veux. Ouais, on peut parler de l'équipe de France après. Ouais. On peut noter déjà la Clermont. Clermont qui est dans le dur un peu cette saison, hein, qui est 9ème je crois. Bah, il menait 29-10 sur la pelouse d'Oyonnax et la remontada d'Oyonnax, les Oyomens, avec une superbe performance, c'est celle de Ben Botica, qui est l'ouvreur d'Oyonnax, qui est ancien de Leicester et de Montpellier, donc on avait quasiment jamais vu à Montpellier, qui a inscrit 25 points durant la partie, qui a été vraiment très très bon. On y reviendra plus tard dans mon coup de gueule, mais c'est aussi Castres qui s'impose face à Toulon dans un match au couteau et qui a été très tendu, et la défaite encore, la troisième défaite d'affilée pour Lyon. Pour Lyon, ouais. Qui s'essouffle, qui a eu de très très gros problèmes en conquête, en touche, dans un match vraiment fermé. C'est le troisième succès à l'extérieur, par contre, pour Toulouse, qui fonctionne très bien. Gomola, son discours a l'air de bien passer. Donc, après, dans les autres résultats, j'ai noté La Rochelle qui continue de marcher très très fort, avec une victoire 44-14 face à l'action paloise. Le match nul, étonnant, de Bordeaux face à Brive, 27-27. Et Brive qui remonte un peu, non? Ouais. Je crois au classement, je regardais. Ouais, après, c'est. C'est Oyonnax dernier, non? Je crois que Brive n'est plus dernier. Ça se joue entre Oyonnax et Brive. Ouais, c'est Oyonnax qui est dernier. C'est ça, et en fait, ça se joue à 3. Ça va jouer entre Brive, Agen et Oyonnax. C'est ça, parce que le Stade français a pris un peu d'avance. C'est ça, avec 18 points. Ça va être une sacrée lutte pour les deux. Enfin, pour éviter la relégation. Ok, très bien. Après, pour revenir, donc on va revenir sur les tests match. Mm-hmm. Peut-être, évidemment, on va commencer, on va finir par la France. On va commencer par, ça va faire plaisir à Romain, c'est la belle victoire de l'Écosse. Hein, on en parlera tout à l'heure parce que c'est aussi un coup de cœur de Yacine. Ouais. Tu peux en parler un petit peu. Ouais, hein. Voilà, ils ont fait les vacilles, les blacks la semaine dernière, mais superbe performance et je pense que tu pourras compléter aussi. Ouais. Il y a de quoi dire. L'Irlande, en fait, il y a trois équipes qui fonctionnent très bien en Europe, c'est l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. Donc l'Irlande qui s'impose quand même 28-19 en Argentine, qui reste sur, il me semble, 6 victoires d'affilée. 6 défaites, non ? Non, l'Irlande. L'Irlande, ouais, d'accord. L'Irlande qui reste sur 6 victoires d'affilée, qui avait bien réussi sa tournée d'été. L'Afrique du Sud qui s'impose en Italie 35-6 et le Pays de Galles qui subit un peu la loi néo-zélandaise, la Nouvelle-Zélande qui s'impose 33-18. Bon, très bien. Ouais, on va parler des choses qui fâchent. On va parler des choses qui fâchent. Donc c'était le match France-Japon. Donc c'était un peu le match de la dernière chance pour, si on peut dire, pour Noves et pour surtout pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, quoi. Et finalement, on a vu que on est clairement en deuxième division Du rugby mondial. C'est clair. Il n'y avait pas le jeu, c'était lent dans les sorties. J'ai eu le sentiment d'avoir un affrontement entre le rugby ancien et le rugby moderne. Le Japon, ça allait vite. Ils avaient un ouvreur qui animait bien le jeu. C'était un jeu rapide. C'était le jeu de l'hémisphère sud. Et en face, on avait un jeu lent. C'était vraiment triste à voir. Beaucoup de maladresse. Beaucoup d'en avant. Ça fait 5 ans qu'on dit les mêmes choses et 5 ans qu'on n'avance pas. Yannick Brou qui disait ça ne décolle pas, ça stagne. Mais non, mais je dirais même qu'on régresse. Quoi. Puis avec toujours cette approximation dans les relances qui est catastrophique. C'est dramatique. On avait 2-3 balles en contre qui étaient absolument vitales. On aurait pu marquer 2-3 essais comme ça, on les a tous ratés. Quoi. Non, mais une animation offensive qui est catastrophique. Et je pense à. Je pourrais en citer, mais il y a Spedding qui n'a pas été bon, qui nous sauve un essai, mais c'est tout ce qu'il a fait dans le match. Taofi Fenua, la ligne avant Rabah Slimani qui marque un essai, mais qui a été vraiment catastrophique sur l'ensemble de la tournée. Il n'y a pas de révolte. On sent que les joueurs. Enfin, le message de Noël se passe pas, en fait. Moi, ma frustration, c'est. J'ai l'impression qu'on a quand même une génération qui arrive, qui est exceptionnelle au niveau du talent. Et ce que j'ai vu là sur ce match, c'est que l'équipe de France n'a pas d'envie, tout simplement. On a vu quand même deux équipes totalement différentes. Les Japonais qui étaient venus pour gagner, qui étaient venus pour envoyer du jeu, puis les Français qui étaient complètement apathiques. D'ailleurs, y a un exemple sur ça. Je crois que c'est le dernier essai du Japon. On voit 3 ou 4 Japonais qui essaient de mener à bien leur action, et en face il y a un seul Français qui essaie de bloquer. On voit Picamol qui est derrière et qui reste là à regarder. Picamol, je pense qu'il a un problème avec l'équipe de France parce qu'il était très mauvais sur toute la tournée. Alors change Picamol du tournoi de l'an dernier. C'est ça exactement, qui tenait l'équipe à bout de bras. Et là on sent que les anciens, on sent qu'ils ont, même Guirado le capitaine, il se donne, mais ils en ont vraiment plein le dos, et je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du message de Noves là-dessus. Le message de Noves, je pense surtout que la défaite entraîne la défaite. Et si vous voulez, les mecs, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre de venir en équipe de France parce qu'ils... Est-ce que tu crois qu'ils évitent l'équipe de France Il y a beaucoup de consultants rugby, d'anciens joueurs de rugby qui le disent. Ils prennent plus de plaisir à jouer en équipe de France. Ils prennent plus de plaisir à jouer en équipe de France. Quoi. Après, on a une génération talentueuse. Je pense que le problème de l'équipe de France est aussi lié à un problème plus global du rugby français, notamment à son championnat. Qui ne prépare pas aux Jeux européennes. Quoi. J'ai peut-être une question sur ce championnat. Si je peux me permettre, est-ce que ce n'est pas justement la première ligue du rugby, c'est-à-dire un championnat très fort avec des clubs qui recrutent gros avec de nombreux joueurs, comment dire, avec des gros salaires, on va dire simplement. Et au final, l'équipe nationale, que ce soit au football avec la première ligue, avec l'Angleterre, qui ne fonctionne pas, ou pareil en rugby avec le top 14, ça ne fonctionne pas également. Tout à fait. Peut-être on a un problème de centre de formation, tout simplement. Parce que là, on sent que les Anglais n'arrivent pas à sortir au football et au France. Pas de centre de formation. On le voit, tu vois, Dupont, Bello, le demi de. Penaud. Voilà, Damien Penaud, celui de Lyon, là, voilà. C'est pas un problème de un centre de formation, mais voilà. Ça, effectivement, qu'il y a trop d'étrangers dans le top 14, et aussi que ils jouent trop, les mecs. Ils sont cramés. Enfin, quand tu vois tous les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe, ils arrivent en équipe de France, ils sont. Non, puis ils sont cuits, quoi. Le top 14 a fait que. En fait, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement une peur de la relégation, mais aussi de la monde, enfin, d'être dans les 6 places, qu'en fait, les équipes n'osent plus prendre de risques dans leur jeu. Et elles font un jeu, c'est clair, il y a un jeu stéréotypé. Oui. Voilà. Et du coup, quand les joueurs arrivent au niveau international, forcément, là, ça va vite. Et les joueurs, ils sont dépassés. Et ça, on l'a vu sur les 3 matchs, même contre le Japon. Et le plus frappant, en fait, c'est vrai qu'on parle de la formation française. Et ce qui avait été frappant, comme tu le disais, sur le match France-Japon, peut-être pas les matchs d'avant de la tournée, parce qu'au final, on les connaissait tous, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, etc. Mais le Japon, si tu veux, quand tu compares le jeu, en effet, qui était le rugby du futur, donc avec une phase offensive très, très, très rapide, des avant mobiles, des phases de transition super rapides, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'un mec comme Dupont, là, on sent la spontanéité qu'il a aussi. Donc la question qu'il faut se poser aussi, au-delà du championnat et au-delà du fait que les joueurs jouent trop et qu'il y a un ras-le-bol, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire des solutions radicales et tirer un trait sur toute une génération et confier les clés. Bon, ça prendra beaucoup d'années, mais à cette génération-là et investir totalement sur ça. Noves, il va le faire, il a toujours fait ça à Toulouse. Voilà, après... Mais bah, vraiment, tirer un trait radical, je veux dire... Oui, ouais. je pense... On a vu dans cette tournée, une grande partie, on ne les reverrait pas, quoi. Ok. Ouais. J'ai oui, juste une petite dernière question pour terminer. Bon, évidemment, j'étais choqué par ce nul contre le Japon. Enfin. Mais après, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est les joueurs n'ont plus envie de jouer en équipe de France. Donc ça, c'est un propos que je comprends pas du tout. Non, mais pas. Du coup, comment l'expliquer ? Est-ce que attends, je termine. Est-ce que par exemple une équipe comme la Nouvelle-Zélande, bon, même si c'est difficilement comparable, mais est-ce qu'ils jouent peut-être moins de matchs que les Français, vous voulez dire, ou c'est vraiment manque d'inspiration ou je sais pas quoi ? Alors, enfin. Par rapport à, ils n'ont pas envie de jouer, je me suis peut-être mal exprimé. Ouais, mais tu ressens qu'il y a moins de... Ils y vont à reculons, je pense, voilà. Parce que... Pas parce qu'ils n'aiment pas le maillot ou parce qu'ils n'ont pas envie de porter le maillot des Bleus, mais parce que si tu veux, la défaite entraîne la défaite. Et je pense qu'à un moment, ils sont dans une spirale où ils se disent... Comme la Novitch. Ouais. Voilà, si tu veux. Et ensuite pour les Blacks, effectivement... Les Blacks jouent moins, ils ont leur Super 18, ça dure, je sais pas, 4-5 mois dans l'année, ouais. Et puis après, toute l'année, les mecs, ils sont avec les Blacks. Toute l'année. D'accord. Voilà, ils préparent le Tri-Nation, ils préparent les tournées. Ils ont pu s'ancrer sur le Tri-Nation. Ouais. Ouais. Et juste, dernièrement. Pour finir sur une note peut-être positive, c'est que l'Écosse, aujourd'hui, elle fonctionne très bien, mais on se rappelle pas qu'il y a 5, 6, 7 ans, c'était une équipe qui jouait tout le temps la cuillère de bois avec l'Italie, qui se faisait rouler dessus par toutes les nations européennes. Et même les nations. Et je ne parle même pas des nations de l'hémisphère sud. Il y a eu un déclic en Écosse, avec notamment la venue d'un nouvel entraîneur étranger, Bernd Cotter. Je pense que ce déclic, faut qu'on l'ait aussi, et que tout n'est pas perdu, et qu'on a une belle génération qui arrive aussi. Ok, très bien, on va continuer. Je vais parler du ski parce qu'il y a le retour de la saison de ski en ce moment pour que Guillaume me prépare peut-être les résultats NBA juste pour après. C'est fait, tu veux faire les résultats NBA ? Allez, vas-y, je t'en prie tout de suite. J'avais annoncé les plus gros matchs de la semaine, donc je donne les résultats maintenant. Donc Détroit a perdu assez logiquement contre les Cavs, mais ils ont quand même réussi à rebondir face au Thunder, et le Thunder qui a réussi à faire l'exploit de gagner contre les Warriors, qui eux, les Warriors, ont réussi un exploit historique en gagnant plus de 50 points d'écart les Bulls. Même si les Bulls cette année, c'est pas terrible, mais faut quand même le noter, quoi. Okay, c'est symbolique. On va vite enchaîner, on a bien parlé de basket la semaine dernière. Donc j'enchaîne sur la boxe, peut-être juste vite fait. Kovalev, un des meilleurs boxeurs des poids moyens, encore gagné, donc va avoir une chance de ceinture dans la catégorie aussi. Ok, moi je passe au handball tout de suite avec Chambéry qui continue sa folle remontée, 30 à 22 contre Cesson-Rennes. Nîmes qui gagne de justesse 27 à 25 contre Massy. Tremblay-Nantes, c'était un match très prolifique. Tremblay a marqué 33 points et Nantes a marqué 45 points sur ce match. Et là, la belle performance de Aix-en-Provence qui gagne 33 à 31 contre le PSG. Ce qui fait qu'au classement, Montpellier reste leader, on en parlera tout à l'heure, avec un point d'avance sur Nîmes, mais surtout 3 points d'avance sur le PSG. A noter que Cesson-Rennes et Massy n'ont toujours pas gagné le moindre match en 10 rencontres. Voilà. Chambéry remontée fantastique. Hein. On remonte 4 victoires en 4 matchs là d'un coup, alors qu'ils avaient perdu 6 fois. Voilà. En Champions League, Nantes qui gagne 32 à 30 contre le Wisla Plock. Neckar contre Vardar, c'était le gros match, 21-21. Kielce qui perd de 1 point contre le PSG à domicile, 29 à 30. Aalborg qui fait quand même la performance du week-end en gagnant contre Vrechprem 29 à 26. Au classement, les Nantais sont deuxièmes au classement donc du groupe A, donc belle performance des Nantais pour l'instant. Il reste encore 5 matchs pour eux, mais ce sera donc le Barça pour le prochain match qui est troisième. Dans le groupe B, c'est le PSG qui garde sa première place devant Flensburg et Vrechprem. Et dans les groupes de la poule basse, le groupe C, Schkern va finir probablement premier, suivi de Gorenje, donc le club slovène en deuxième place qui devrait affronter normalement Montpellier. On passe au ski. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour du ski. Jansrud, le Norvégien, s'impose donc au Super G de Lake Louise. C'est son 20e succès en Coupe du Monde. Le premier Français donc est 15e avec Adrien Théo et 26e donc avec Maxence Musaton. Voilà. Et au niveau c'était la descente tout simplement. C'est Beatfuzz, je sais pas comment on le dit. Beatfuzz, merci. C'est un Suisse donc qui remporte la première descente de la saison cette semaine. Adrien Théo a fini 7e, toujours premier Français. Félix Neureuther d'ailleurs, favori du, quand même un des favoris du Globe, s'est blessé, donc terminé pour cette saison. Plutôt favori en slalom, hein, terminé pour Neureuther. Terminé pour cette saison et forfait pour les JO aussi. Non ouais, oui, parce que c'est ligament croisé. Donc, c'est ça. Terminé. Ouais. Donc c'est terminé pour lui. Chez les femmes, Michaela Schifrin qui s'impose très facilement avec 1,64 secondes d'avance sur Petra Vlova sur le slalom de Killington aux USA. Première française, Nastasia Nohens, 19e. Adeline Beaumunier est 20e. Ouais, Schifrin qui va encore dominer le ski féminin. Et qui va rapporter beaucoup de médailles au JO, c'est vraiment la star, la successeur de Lynn Seven. Et au niveau du géant, c'est l'Allemande Victoria Rebensburg qui s'impose, Tessa Worley 6e, Tania Barrios 19e. Au niveau du biathlon, ça a repris aussi ce week-end, Östersund 7e place du relais mix, Bescon, Chevalier, Béatrix et Destieux. Et 4e place pour le duo Fourcade-Dorin. Donc pour ouais. l'instant, pas de. Ouais, notre autre faute, le relais était beau sur le papier, mais 11 fautes pour les deux. Donc 7 pour Martin Fourcade. Donc il a dit que c'était une non-course à oublier. Ok, et ski de fond dernièrement, Kla Ebo, le Norvégien, s'impose à Ruka en 15 km libre poursuite. Maurice Magnifical, premier français, 8e. Et après il y a d'autres résultats, mais ça c'est un peu plus le ski un peu plus profond, on va dire, avec combiné nordique, avec des belles formances, je crois, les Français à Ruka, je crois 4e, 5e et 7e, si je me trompe pas. Il me semble aussi. Donc voilà. Notamment Maxime Lahurt, il me semble. On va terminer avec le sport mécanique et la Formule 1, le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Victoire de Valtteri Bottas devant son coéquipier Lewis Hamilton. Les Ferrari, donc juste derrière, avec Vettel 3e et Kimi Raikkonen 4e. Les Français se classent 8e avec Ocon 11e, si je me trompe pas, avec. Avec Grosjean, non 11e, je crois, ou 12e. Ocon est 8e, je crois. Non, Grosjean, je te parle. Ah, Grosjean, j'aurais même plus. Et 16e avec. T'écoutes pas, Gasly. Tu critiques, arrête un peu. Classement final, donc le top 8, je parle. Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Verstappen, Perez et Ocon. Petite question pour vous, un peu question transfert, qui devrait partir de son écurie pour vous et dans quelle autre écurie? Je sais que Vincent m'a dit que chez les Ferrari, ils avaient prolongé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Peut-être on parlera après des autres écuries juste après. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ils forment un bon duo. Bon, j'espère que... Il y aura peut-être un peu plus de par rapport à Kimi. De régularité laisseront... peut-être aussi pour Vettel l'année prochaine. Ouais, qu'il y aura une meilleure voiture. Et puis pour pour Raikkonen, quand il est en tête d'un Grand Prix, j'espère que Ferrari ne donnera pas de consignes comme ça a été le cas cette année. Mm-hmm. Parce qu'il il peut gagner des courses aussi, les deux. Voilà. Si la voiture augmente, ils seront un sérieux candidat pour le titre constructeur et même pour le titre pilote. Peut-être autre question, est-ce que Ocon pourrait viser un peu plus haut pour vous, peut-être Guillaume? Ah, je pense que oui, il a la voiture pour, il a montré déjà un 8e d'ailleurs, potentiel très intéressant. Oui, classement général. Déjà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un Français aussi haut sur un classement général. Après, voilà, il a une voiture qui est très bonne, il a fait preuve de beaucoup d'ambition, beaucoup d'audace et de beaucoup de qualité pour la première saison F1, donc ouais, il y a de quoi nourrir des petits espoirs. Déjà j'aimerais qu'il arrive à approcher 7-6e, même ça serait déjà une belle performance l'an prochain. Puis après oui, assez d'accord avec Vincent, si le duo reste de chez Ferrari et qu'en plus la voiture s'améliore comme ça a l'air de se profiler vers la saison prochaine, à mon avis ouais, il y aura un duel encore plus serré jusqu'au bout, j'espère, face à Mercedes qui évidemment sera encore plus difficile à bouger. Ouais. Pour Ocon, sur la deuxième partie de saison, il domine sur presque toutes les courses. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Après, sa limite, ça sera la Force India. Je vois pas la Force India aller chercher. Ouais. Tu auras le palier Red Bull Ferrari, tout ça. Mais qui continue à progresser. Quatrième écurie du paddock au final. Quatrième écurie du paddock. Au mieux, sixième. Voilà. Mais qui continue de progresser dans cette équipe-là, et pourquoi pas aller chercher une top team plus tard. Oui, pour aller accrocher quelques petits podiums, ça serait possible aussi. Ok, bon, très bien. J'aurais bien voulu un peu plus parler de Formule 1, mais on n'a pas le temps. Sur le dernier Grand Prix, il n'y avait pas grand-chose non plus. Peut-être les Mercedes ou quoi que ce soit. Bon, on verra. La Mercedes, on sait que ça sera un gros client à aller chercher l'an prochain aussi. On verra une prochaine fois. La voiture reste au-dessus encore. On va faire notre première pause musicale avec M83 et c'est Midnight City. Et tout de suite. We'll be right back. de retour sur Sport & Chill. Déjà. Déjà de retour sur Sport & Chill. On va continuer. C'était M83 avec le titre donc Midnight City. Oui, on est de retour à l'antenne. On va continuer avec le sport Montpellier, un jingle. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Donc on va commencer avec le football et la victoire 3-0, donc belle victoire du MHSC face au LOSC. Montpellier qui confirme sa bonne série avec, donc, avec la manière. Et au niveau du match, dès la 5ème minute, le défenseur Jérôme Roussillon a trompé Mike Maignan sur une passe de Paul Lannes. Roussillon donc, a ouvert son compteur ce but cette saison face à une défense centrale lilloise complètement dépassée sur ce coup-là. Deuxième but, Giovanni Sio qui marque sur une passe encore de Roussillon, l'arrière-garde lilloise encore prise à défaut. Et dernier but, Casimir Ninga qui a profité de l'apathie de la défense encore une fois pour inscrire son premier but de la saison sur un service de Giovanni Sio. Peut-être réaction sur ça, peut-être sur ce match et surtout sur le calvaire lillois. Oui, à d'abord réagir sur Lille qui successivement perd 3-0 à Amiens et 3-0 à Montpellier. Malgré 4 entraîneurs. Oui, malgré 4 entraîneurs et Montpellier qui en une seule soirée met, je crois, le triple des buts qu'ils avaient mis depuis le début de saison. Quoi. Ouais. Toujours meilleure défense pour ouais, ouais. aussi. 6ème meilleure défense d'Europe. Non. Si. Meilleure défense de Ligue 1. Ouais. C'est pas de Ligue 1 un peu. 8 buts encaissés, je crois. 8 buts, ouais, c'est ça, je crois. Ouais, 6ème meilleure défense d'Europe, ouais. C'est pas et beau. Et ils étaient à 9 buts marqués avant le début du match, ils en ont marqué 3. Donc, pour preuve, je crois que les 6-7 derniers matchs de Lyon ont tous été des tolls, genre des 5-0. Il y en a qu'un match nul, c'est Montpellier avec 0-0. Bon, ouais. Voilà. Ouais, puis on disait que Montpellier avait du mal contre les petits, mais là. Reste à confirmer à Guingamp mercredi. C'est ça, quoi. Bon, outre Lille est très faible au fond du trou, mais voilà, il y a un enchaînement, on a eu une belle série contre les gros, où on voyait que défensivement c'était solide, mais il y avait aussi quelques contres un peu maladroits. Là, pour une fois, ils avaient une équipe à domicile où il fallait faire le jeu, il fallait dominer, il fallait gagner, et l'ont fait, donc voilà, ils deviennent de plus en plus complets, on va dire, okay. Contre les gros et contre les plus faibles. Si Montpellier se met à marquer. Ouais. Ah, ça peut être de plus en plus intéressant. Jusqu'où pour eux. Jusqu'où vont-ils aller, hein. Ouais. Prochain match, je crois, Guingamp. Contre Guingamp. Et après Marseille, ouais. Qui arrive. Après Marseille. Déjà. Au niveau du foot féminin, pas de match puisque match internationaux ce week-end. Match ce samedi, prochain match ce samedi avec le MHSC qui se déplace à Soyo qui est 6ème pour le oui. compte de la 10ème journée de D1 féminine. Au rugby, grosse toll là vraiment, 26-0 pour le Racing contre EMHR. Victoire donc du Racing dans son enceinte de Colombes. Dernier match d'ailleurs dans ce stade avec la manière donc pour le Racing qui s'offre un succès net. Bonifié donc 26-0, 3 essais à rien. Ouais. Montpellier, c'est le premier zéro pointé depuis un certain temps, ouais, le premier de cette saison d'ailleurs. C'est Montpellier, c'est la meilleure attaque du championnat et qui finit Fanny. Donc, sacrée performance du Racing. Mais on a fait un non-match, on n'a pas existé. On avait quand même une ligne arrière Mog, Domané, Stein, pas mal, ouais. Dumoulin et j'ai oublié le dernier, Eiffel. Donc, vraiment pas mal. Et on a été pas d'animation offensive, pas d'animation défensive. Donc, le non-match à oublier. Bon, ce qui est toujours consolant, c'est que le MHR reste premier au classement, mais deux points devant, La Rochelle qui rattrape. Ouais. D'ailleurs, prochain match, La Rochelle-Montpellier. Sacré match. Et choc de cette 12ème journée de top 14. Et le Loup qu'on jouera aussi en décembre. Hein. Ouais, mais le Loup qui est plus sur la pente descendante. Ouais. Donc il faudra capitaliser. 23 décembre, il faudra capitaliser. Chez les filles, victoire aussi 41, donc victoire cependant, donc chez les filles 41-10 contre Blagnac, victoire bonifiée pour les coccinelles, je sais que Guillaume aime qu'on les appelle comme ça. C'est charmant. Doublé de Caroline Bougeard, essai de Cyril Banet ou encore Agathe Socha, voilà. Désolé si j'ai écorché des noms. Au classement, c'est évidemment un sans faute pour les filles avec 6 victoires sur 6 matchs et 28 points qui les placent évidemment première de top 8. Là aussi chez les filles, un gros match dans la prochaine confrontation, ça sera contre Lille. C'est les deux finalistes hein, de ces dernières années. Les deux favorites au titre d'ailleurs. Les deux n'ont toujours pas perdu d'ailleurs, les deux clubs pour l'instant en top 8. Donc Montpellier reste tout de même devant grâce à des victoires bonifiées. Donc prochain match pour le rugby, que ce soit masculin ou féminin, ouais. Des gros chocs. De belles rencontres. Le premier contre le deuxième. Ouais. Le BLMA, très lourde défaite du BLMA. 55-86 face à Bourges, c'est à domicile en plus pour le contre de la 8ème journée de LFB, ce qui fait qu'au classement, elle recule à la 5ème place à 3 unités des premières, donc qui est Bourges. C'était pas une semaine facile d'ailleurs, puisqu'elle s'incline également en Coupe d'Europe face à Schio, ou Schio, je sais pas comment tu le prononces en italien, puisque c'est Schio. Schio. 61 pardon, à 55. Pourtant, les Gazelles y ont cru jusqu'au bout. Le BLMA n'a jamais lâché dans cette partie. Elles ont même mené au score avec 3 points de retard à 2 minutes du terme du match. Mais donc, c'est finalement les Italiennes qui se sont imposées. Et Montpellier est 6e avec 6 points. Prochain match, mercredi à Cracovie pour la 6e journée d'Euroleague et samedi à Nice pour la 8e journée de championnat. Au volet, c'est une victoire facile pour Montpellier face à Nantes-Rezé, 3-7-0. Donc vendredi soir, lors de la 7e journée de Liga, Jean Patry était l'artisan numéro 1 de la victoire à Roltès avec 19 points, bien épaulé par le Brésilien Thiago Sanz, 16 points, ainsi que l'Estonien Andriy Aganits, 11 points. Au classement, Montpellier se classe 4e et devra affronter pour le prochain match le 8e Ajaccio. Ça sera ce week-end. Le futsal, et là c'est encore la belle nouvelle puisque c'est une nouvelle victoire du futsal. 3e d'affilée avec une victoire 4-2 contre Échirolle, donc le club de Grenoble. La meilleure nouvelle c'est que Montpellier passe dans le positif pour la première fois de la saison avec 1 point. 3 points de retard sur l'avant-dernier qui est justement donc Échirolle. Ce samedi, Montpellier recevra le Sporting Paris qui est 7e, ça sera à domicile, donc encore une autre chance de remonter au classement et peut-être pour la première fois de l'année ne plus être dernier. A noter qu'il ne faut pas être dans les deux derniers, donc en championnat pour ne pas descendre. Et donc le 11e, le premier non relégable, est à 5 points. Donc c'est jouable pour Montpellier. Et Waterpolo, j'ai encore 3 résultats. Waterpolo, on s'attendait à un match donc des plus serrés, puisque c'était un mini derby. C'était un peu le classique du waterpolo entre Montpellier et Marseille, et un score final de 7 partout. Une frustration donc pour les hommes de Fabien Vasseur qui étaient si près du but. Mais cela reste un match nul face au champion en titre, donc Marseille. De plus, le MWVP restait sur 3 défaites à l'extérieur, donc il était important de stopper cette série noire. Les buts pour Montpellier, donc de Moustour, Lo, Kalinic, Delach et Zivkovic avec un doublé. Au classement, les Montpellierains sont 5e et ont creusé le trou sur leur poursuivant, le 6e, qui n'est d'autre que Tourcoing, et qui sera donc le prochain match de Montpellier Waterpolo le samedi 16 décembre à Antigone. Et les Vipers ont également gagné 4-2 contre Villard-de-Lans. Je ne sais pas si vous vous rappelez le surnom de Villard-de-Lans, ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était les Ours. Et je crois que ça avait bien fait rire Guillaume, c'est pour ça que je l'aurais dit, mais Guillaume est sur son portable. T'as fait une blague ? Ouais, j'ai pas fait une blague, j'ai juste dit que la semaine dernière, Villard-de-Lans s'appelait les Ours. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ah non, je devais être bourré à mon avis. But de Yann Dlouli, de Petr Janeka et le doublé de Jaromir Florian, ce qui fait qu'au classement, les Vipers sont 5e et rencontreront Marseille samedi en déplacement. Marseille qui est 2e, donc gros match également pour le hockey. Dernier résultat, et non pas des moindres, le MHB, le handball. Donc on va évoquer pour l'instant la défaite à domicile 28-33, première défaite de l'année pour Montpellier, toute compétition confondue, face à Beşiktaş, donc le club turc. Mais Montpellier était déjà sûr d'être qualifié, d'être premier de ce groupe en Champions League, donc c'est pas trop grave. Il ne reste plus qu'un match d'ailleurs en Champions League, c'est face à Zaporozhye, ça sera à l'extérieur. Mais le plus important, c'était le match en championnat. Victoire 36-25 contre le Phoenix, à savoir c'est Toulouse. C'est pas les Suns. C'est pas les Phoenix Suns. Non, c'est les Phoenix avec un F. Donc voilà. Effectivement, c'est autre chose, c'est un autre délire. Donc grosse victoire puisque Toulouse était bien classé. Donc et puis avec la manière, avec quand même 11 points d'avance. Est-ce que pour ceux qui suivent un peu le hand, est-ce que c'est l'année pour aller chercher le championnat à Montpellier, sachant que le PSG et Nantes donne quand même beaucoup d'énergie en Champions League cette année. Plus que jamais, enfin pour moi en tout cas, parce que je sais pas, on a dû être à quoi, plus de 20 matchs déjà depuis le début de saison, et on a l'impression que Montpellier a au moins deux équipes, et qu'à chaque fois c'est le même résultat, qu'on sait gérer les résultats même à l'extérieur, qu'on a gagné la plupart du temps même des matchs importants, des fois avec les jeunes du centre de formation, notamment Jean-Loup Faustin qui enfin cette année se révèle. Moi je pense que c'est la bonne année, si on négocie bien le match face à Paris et qu'on négocie aussi le retour à face à Nîmes lors du derby. Tu penses que le banc est aussi bon qu'à Paris Clairement, moi je n'ai pas. Le banc est plus homogène. Aussi bon qu'à Paris, non. Ouais. En tout cas, l'équipe est plus homogène. Beaucoup plus homogène. D'accord. L'équipe est beaucoup plus homogène parce qu'on a vraiment l'impression que Montpellier, avec deux équipes, bon, je dis pas des facilités non plus, mais c'est gérer beaucoup de matchs déjà. Et ouais. Même carrément, peut mettre des grosses tolls face à des équipes qu'on pensait assez difficiles à manœuvrer. Quoi. Le micro, s'il te plaît. Pour qu'on t'entende. Désolé. Non, mais j'ai l'impression que moi aussi, Montpellier, on sent pas qu'il y a une équipe A' ou B en fait dans cette équipe. C'est que qu'on mette l'équipe, une équipe ou une autre, ça semble toujours être l'équipe première de Montpellier, avec, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis avec toujours ce mélange entre jeunes vraiment du centre de formation et joueurs un peu plus aguerris qu'on retrouve dans les deux équipes, titulaires et remplaçantes. Et... Donc voilà, il ne faudra pas faire d'erreur parce que l'erreur sera chère cette année, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Oui. Voilà, prochain match à Dunkerque cette semaine, ce sera l'un des pronostics, l'un des deux pronostics d'aujourd'hui. Pour... Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être un petit peu lâcher la Ligue des Champions au bout d'un moment s'ils veulent vraiment se fixer après sur le championnat ou ils peuvent assumer les deux? Après lâcher la Ligue des Champions, je pense que Montpellier, si on peut avoir un parcours comme celui de l'an dernier, Montpellier sera redemandeur. Hein. Mmh. Après, je pense qu'un quart de finale, ça sera largement c'est suffisant. Pas si mal, ouais. Le problème, c'est qu'il y a des coupes de la Ligue et Coupe de France aussi. Je pense que viser le Final Four, ça serait vraiment, ça consommerait beaucoup d'énergie. Là, ça va être dur pour Montpellier parce qu'ils Sauf si on joue Paris avant. Ça va être, je crois, 5 ou 6 matchs à l'extérieur d'affilée là, à partir de ce moment. Moi, je pense que le plus raisonnable, ce serait de viser un doublé Coupe Championnat. Ça serait déjà beau. Ça serait voilà, avec le championnat. Ah oui, déjà, ce serait. J'ai tout dit sur le sport montpelliérain. On devait faire la première pause musicale à l'instant, mais c'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé tout à l'heure. Donc, on va enchaîner tout de suite sur le jingle débat de la semaine. Sport and chill, le débat de la semaine. Et le débat de la semaine, c'est le débat Coupe Davis, le débat de tennis. Je fais un petit résumé, après je vous laisse la parole parce que je sens que vous avez beaucoup parlé. Victoire donc de l'équipe de France de tennis face à la Belgique ce week-end. David Goffin a prévu, donc, comme prévu, a gagné ses deux matchs. Metsonga et Lucas Pouille se sont facilement imposés contre Steve Darcy, tout comme le duo Herbert-Gasquet qui a pris le dessus sur les Belges le samedi. La France remporte donc son 10e titre en Coupe Davis, le dernier remonté donc en 2001. On peut d'ailleurs les surnommer les champions du monde parce que depuis cette année, on dit aussi Coupe du monde de tennis pour la Coupe Davis. Ouais. Laquelle c'était écrit en énorme dans le stade. Hein. Voilà. Le parcours de cette Coupe Davis 2017 pour les Français, victoire 4-1 en 8e de finale contre le Japon, puis le même score 4-1 contre les Britanniques en quart, puis 3-1 contre la Serbie en demi, sans faut noter Djokovic et Troicki. Et Murray contre l'Angleterre aussi. Voilà, puis victoire 3-2 donc contre la Belgique en finale. Donc première question avant de passer au débat, là on va faire un peu moins de 10 minutes, on va parler de la finale de cette Coupe Davis. Qu'avez-vous pensé de cette finale tout simplement et pourquoi pas peut-être commencer sur la puissance de Goffin ou sur le beau match de Pouille ou même sur le public, on en parlera un peu après, mais peut-être commencer sur Goffin par exemple. Donc il a vu ce dimanche. Si tu veux commencer par Goffin, je veux bien. Il y a une petite appréhension par rapport à ce match de Coupe Davis, c'est que Goffin c'est celui qui a le plus joué de matchs depuis septembre. Donc on pensait qu'il a fait un Super Masters où il arrive en finale. On pensait qu'il allait arriver cramé. Et au final, pas du tout. Il a maîtrisé ses deux simples vraiment de manière tonitruante. Plus rapide, hein. 3-7. Hein, ouais, il a pas perdu un set. Contre Lucas Pouille, c'était peut-être un peu attendu parce que Lucas Pouille, il a pas vraiment le jeu pour gêner Goffin. Mais de son gars, avec sa puissance, il aurait vraiment pu le gêner. Et ce premier set qui décide un peu l'issue du match. Hein, enfin, moi, je m'attendais quand son gars il a gâché ses balles de break. Ça m'a rappelé un match à Roland-Garros contre Djokovic. Pour ceux qui l'ont, il avait des balles de match, il avait gâché. Et après, Goffin a vraiment été impressionnant. En retour, c'est le meilleur retourneur du circuit. Je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il est vraiment incontestable dans ce domaine et il a fait très très mal. Quoi. Enfin, clairement, il méritait la coupe, mais il n'y a personne qui suit dans son équipe derrière. Quoi. Et peut-être notre réaction, Vincent, peut-être, sur Goffin. Non, il a tout dit. Bon bah très bien. Sur peut-être pas le public tout de suite, mais sur les autres matchs, peut-être sur de Lucas Pouille, même le je sais pas si quelqu'un a regardé le double ce samedi. Ouais bon après j'ai pas me créé la foudre de tout le monde. J'ai déjà dit que le La Coupe Davis était assez bien arrangée pour la France. Oui, après le double, ben, évidemment, surpris par cette paire un peu improbable de la Belgique. Quoi. J'ai un mec apparemment jeune de 24 ans qu'on ne connaissait pas trop, qui était blessé dans l'année, qui vient dans ce double-là, avec un autre un peu plus expérimenté, mais qui n'était pas non plus une valeur sûre. Donc forcément, bon, les Français ont fait le taf sur ce double-là. Il n'y a pas à redire, mais bon, comme l'a dit Timothée, à part Goffin, qui était évidemment au rendez-vous malgré l'enchaînement des matchs, le reste de l'équipe de Belgique, ça paraissait mince pour déranger l'équipe de France. Quoi. Puis, le seul intérêt, moi personnellement, en tant que fan de tennis, c'était de voir si un Français pouvait un petit peu titiller Goffin diminué. Et au final, non, ça n'avait pas été le cas. Donc, bon, au final, tout s'est déroulé comme prévu. Ça va, on devait gagner 3 La logique a été respectée, oui. Tous les matchs ont été respectés. Puis après, pour en revenir à Goffin, c'est vrai qu'il a été... On n'a jamais senti de son gain en mesure de... Dans le premier set, quand même. Il a rarement aussi bien servi Joe. Et franchement, c'est vraiment regrettable. Il était à 80% de première balle, je crois. C'était assez impressionnant. Je crois que sur les deux premiers jeux, il fait 4 aces. Voilà, à titre de comparaison, Lucas Pouille, ça en fait 5 hier. Sur tout le match. Hein. Mais on l'a senti, puis après, à partir du deuxième set, de son gars, on l'a senti très très là, nerveux. Il a lâché, il a lâché. C'était déjà terminé. Moi, c'est ce qui m'interpelle le plus, quand même, parce qu'on est dans un match 4 de Coupe Davis. Il peut offrir la Coupe Davis à la France sur ce match-là. Et le gars, il perd en tie-break au premier set. T'as l'impression qu'il a lâché le match derrière, quoi. Tant mieux pour les spectateurs au final, mais. Ouais, mais bon, oui, t'as eu un match 5 entre guillemets avec du suspense. Ça n'a pas été le cas, vu qu'en face de Pouille, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Mais moi, honnêtement, je vous dis ça sans vraiment être méchant envers les Français. Le match que j'attendais vraiment, celui-là qui me faisait vraiment triper, c'était de voir le match 4 de son gars Goffin. Après le tie-break, bah, j'ai senti que le match était quasiment terminé. C'est ce que j'ai regretté le plus, en fait. Ok, très bien. Si c'est bien qu'on remporte au final. Personne d'autre veut réagir sur les matchs. Les matchs avant de passer au public, parce que moi j'aimerais bien parler de ça au public, notamment on peut quand même souligner la performance de Lucas Pouille, même s'il a joué contre un Steve Darcis qui n'a été que l'ombre de lui-même. Il a déroulé vraiment, il a été très incisif sur ses coups et il était chez lui en plus. Il n'avait jamais joué de 5e match décisif, donc on peut quand même lui tirer un petit chapeau pour sa performance. Ouais, et puis par rapport aux autres joueurs belges, il y avait trop de classes d'écart entre leur niveau et le niveau des Français, clairement. Ouais. S'il y avait eu deux Goffins, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. C'est sûr. Ouais. Mais on l'a vu face à la Suisse, hein, quand il y a eu Wawrinka et Roger. Parce que quand même, une stat que j'ai vue qui est importante à noter, c'est que le meilleur joueur qui a battu les Français, c'est un 44e mondial, c'était Evans. Contre la Grande-Bretagne. C'est le meilleur joueur que les Français ont battu. Je crois que c'est bien sur le parcours. C'est Kyle Edmund. Kyle Edmund. Important d'être pressé à deux campus. Salut. tu fais Djoko et Troïki avant. L'équipe japonaise qu'on bat à Tokyo, il n'y avait pas Nishikori, je crois, il y avait Sato à la rigueur. Le parcours, il était offert. Bien, on va continuer sur. Moi, j'avais une question sur ça. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu, pour dire abusé entre guillemets, de mettre ça à Lille, à 10 km des frontières belges, et notamment, bon là, surtout d'offrir autant de places, et surtout très bien placées d'ailleurs, dans le stade au public belge. Alors moi je sais pas, je suis de la FFT, je suis désolé, c'est une finale de Coupe Davis, moi je suis à domicile, j'en profite du fait que je suis à domicile, j'ai joué dans le sud, j'ai joué à Marseille et les Belges je les mets en haut à gauche dans le stade. C'est comme si tu jouais une finale France-Albanie à Strasbourg, je veux dire. C'est totalement illogique. T'as le monopole du choix vu que c'est toi qui reçois la finale. Bah, le problème c'est que tu choisis de faire ça à Lille. Le problème c'est que le pire c'est qu'à Lille, grande salle d'Europe. À Lille, c'est logique. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait. Elle fait 27 000 places. Qu'est-ce qu'il y a à redire sur ça? C'est le fric comme d'habitude. Voilà. Non mais c'est les places. Là, t'es pas objectif là. Non mais évidemment plus de places, plus de fric, c'est mathématique. C'est nul de penser comme ça. C'est là aussi que tu rassembles plus de gens. Si tu l'as fait à l'Arena, cocorico, super, Montpellier c'est bien. Bah, tu rassembles. Je te donne une autre salle, celle qui était déjà prévue, parce que déjà. La U Arena, à Lille. Oui, à Nanterre. À Lille, il y avait 2000 places qui étaient vendues pour le rugby. Alors moi, je suis désolé, la FFT, c'est pas normal de dégager comme ça le rugby. Mais la FFR a accepté. Oui, la FFR a accepté, bon, évidemment, mais à mais un moment... Coup, sur le coup, je suis assez d'accord avec les deux, mais après, il a un petit peu raison. La FFT, là, cette année, quand même, il en fait fort, parce que le coup de Roland-Garros aussi, de faire payer les gens, pas la journée, mais à chaque match... Oui, les night sessions. Aussi, c'est, on sent quand même qu'il y a, des quenelles au niveau financier qui sont mises, quoi. Mais après, oui... Bah non, parce qu'on va pas jouer à Lille juste pour parce qu'il y a un public lillois qui est intéressant. On a déjà joué à Lille contre la Suisse. Non, mais pourquoi on jouera pas ailleurs? Fatalement, s'il y a bien une raison de jouer ce match à Lille, c'est France-Belgique. Si ça avait été France-Canada, je t'aurais dit Lille, ok, c'est un peu discutable. Non, mais France-Belgique, c'est pas match amical aussi. C'est ça le problème. Non, mais Je veux dire, on est quand même dans une finale. Donc du coup de la coupe du monde de tennis techniquement. Ouais. Moi, je suis désolé. Au foot, imaginons on a le choix de tenir la finale où on veut. On va pas la tenir. Imaginons il y a France-Allemagne, on va pas la tenir à Strasbourg. Ah, mais j'attendais que tu fasses le comparatif. Tu peux pas le faire. Le comparatif foot-tennis, il est infaisable. C'est pas du tout le même type de public. Mm. C'est pas du tout les mêmes ambiances. Donc c'est beaucoup plus amical en tennis. Oui, c'est sûr. Je peux dire que les Belges après le match, ils étaient même pas déçu. Ouais, après il y a un très bon public en face. Ouais. Après on a eu de la chance avec la Suisse et la Belgique, c'est pas les pires, hein. C'est pas les Serbes qu'on a vu à Belgrade. Là c'était vraiment le feu là-bas. Voilà. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a l'Oligan Serbe en foot. Ouais, mais après tu peux critiquer peut-être l'ambiance sur la première journée, où, ça n'a pas été terrible, mais sur les deux, le samedi et le dimanche, il y avait quand même une belle ambiance. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas ça ressortait bien. Moi je suis d'accord. Tim peut nous dire il y était, mais je pense qu'il y avait quand même une sacrée ambiance, quoi. Ouais, franchement, c'était vraiment festif, puis des deux côtés, quoi. Donc, okay. Bon, voilà. On a réagi sur ça, c'est nickel. On va passer au débat. Et le débat, c'était que faut-il faire pour que la Coupe Davis redevienne attrayante. Bon, je vous explique un peu le cheminement de cette question. Je pars du postulat donc que la Coupe Davis subit depuis plusieurs années une baisse de popularité assez importante et qui n'est plus considérée, j'ai l'impression, comme un tournoi majeur. De plus, on assiste à l'avènement des matchs sans enjeu, sans valeur tennistique, comme de nombreux matchs d'exhibition, ou même la Lever Cup qui a fait son apparition cette année, à défaut de tournois historiques comme la Coupe Davis, parce que je le rappelle quand même que la Coupe Davis est créée en 1900. Je sais pas si c'est pas le premier parce que c'est Wimbledon, mais c'est le deuxième, je suppose. Peut-être tournoi de tennis créé. Il y en a d'autres avant. Il y a peut-être. Non, mais il y a des Newport, Cincinnati, c'est quand même un tournoi très historique. Ma première question est toute simple. D'où ce problème vient-il que la popularité en Coupe Davis descend depuis de nombreuses années? Est-ce que c'est le calendrier, peut-être un peu trop serré? Est-ce que c'est les prize money qui en a pas assez? Ou est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de points en ATP, par exemple? Ou même autre chose, d'ailleurs. Vincent, peut-être tu voulais peut-être commencer sur ça. Déjà, je pense effectivement le prize money, mais je pense qu'on en parlera peut-être, chacun en parlera. Moi, j'ai mis une théorie. Je pense qu'il faut attendre un petit peu déjà que le Big Four s'en aille. Ils ont tous gagné la Coupe Davis. Mmh. Et c'est plus un objectif pour eux maintenant. Par exemple, on va prendre l'exemple de Roger. Il va pas aller chercher une deuxième Coupe Davis. Pour lui, ça ne lui sert à rien par rapport à... Comment tu expliques, tu vois, que, imaginons, tu gagnes Roland-Garros, tu l'as gagné, donc forcément, tu n'es plus obligé de revenir, mais ils reviennent tout le temps. Ouais, parce que, tu l'as dit, c'est partagé. Déjà, ça rapporte pas d'argent, pas de points. Mmh. Ça, c'est quand même terrible. Mais ça, c'est parce que c'est le fait que c'est majeur, historique, pas de points, quoi. Que c'est créé par l'ITF, c'est ça, mais que c'est pas par l'ATP. L'ATP n'a là, aucun lien. Là, tu vois, comme tu l'as dit, une fois que les joueurs l'ont gagné, les Murray, les Djoko ou Nishikori n'ont même pas voulu la jouer. En tennis, le Grand Chelem a toujours eu une prédominance sur la Coupe Davis. Au-dessus, ça, c'est sûr. Évidemment. Donc c'est pour ça que maintenant aller chercher un grand chelem, ça a plus de valeur qu'aller chercher une deuxième Coupe Davis. C'est vrai que je suis peut-être fait une comparaison forte, mais imaginons l'ATP de Montpellier, tu l'as gagné, donc t'y vas plus. C'est selon ton raisonnement. Parce que justement, regarde Zverev par exemple. Je suis pas sûr qu'il revienne à Montpellier cette année. Il a gagné l'année dernière. Il a pris pas mal de points d'avance. Oui. Mais sur ce que tu viens de dire, c'est justement la logique des points ATP. C'est quand tu fais un tournoi, à fortiori, ça commence vraiment à ATP 500, c'est que t'as vraiment pas mal de points à défendre. Mm. Si t'as fait finale, t'es quasiment obligé de te réaligner l'année d'après. Est-ce qu'il est possible, alors je connais peut-être pas assez le tennis pour ça, que cet événement passe aux mains de l'ATP, par exemple? Peut-être qu'il fasse gagner des points, peut-être pas autant de points qu'un Master 1000, mais imaginons 750 points par exemple, tu vois, entre un 500 et un 1000. P- passer aux mains de l'ATP, je vois pas comment ça serait possible, mais au moins qu'il y ait un accord. Il y a eu un accord entre les deux trucs. La Coupe Davis a rapporté des points il y a quelques années, mais c'était vraiment risible. Je crois que c'était moins qu'un 250. Si tu gagnais tous tes matchs, t'avais, je crois, sur l'année 200 points, quoi. Donc c'était vraiment risible. Donc qu'il y ait un accord, parce que les grands chelems, c'est pareil. Les grands chelems, ce n'est pas géré par l'ATP, c'est géré soit par les fédérations, donc par l'ITF ou par des clubs privés pour Wimbledon. Mais il y a un accord avec l'ATP pour dire voilà, ça rapporte 2000 points. Donc peut-être faire ça, et effectivement aussi plus de prize money. Et voilà, et donc ma théorie, c'était en dehors donc de ces deux points, donc que cette génération parte parce qu'ils l'ont tous gagné, et que du coup il y a juste ceux qui l'ont pas gagné qui viennent. Donc du coup il y aura des gros, forcément. Donc voilà, là il y aura des gros. Justement, il y a la. Je crois que c'était. Pour la Coupe Davis, pour la réforme de la Coupe Davis, il y avait un plan qui était de mettre en place un Final Four sur un week-end où toutes les équipes s'affronteraient. À l'image du hand, ouais. Pour réduire justement le fait que la Coupe Davis s'étale sur toute la saison et que les joueurs soient soit blessés, soit ne veulent pas la jouer parce que ça va leur couper leur saison. Puis c'est vrai que tu. Vas-y, Yacine, je vais réagir après. C'est vrai que tu prends les grands joueurs, même un mec comme Del Potro, il a gagné l'an dernier. Quand tu comptes un peu, je sais pas, les matchs décisifs commencent à partir des 8e, ça te rajoute maxi entre 8 et même plusieurs matchs, ouais, 8 et 10 matchs peut-être par joueur s'il veut vraiment s'investir toute l'année. Un mec comme Del Potro, comme Federer, qui ont gagné une fois, bon, dans leur esprit, ils peuvent tout à fait se dire bah, moi j'irai pas, sauf si en finale, si l'équipe se qualifie et qu'on joue l'Espagne. Alors, la Croatie, à titre de comparaison, est-ce que réduire du coup le format, une bonne idée. Ça serait une solution, je pense. Non, on en a parlé souvent. Il y a des réformes qui, enfin, des rumeurs selon quoi on voulait mettre une année sur deux. Donc ça serait le réduire considérablement. Ça, mine de rien, c'est vrai que ça joue. De faire une compétition tous les ans, ça enlève un peu du prestige. Tu vois, par exemple, le rugby, les nations, c'est toujours autant prestigieux, même si ça joue tous les ans. Moi, je suis pas d'accord. Après, par exemple, comparer les sports, évidemment. Les Jeux Olympiques au tennis, c'est tous les 4 ans. On s'en fout, quoi. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Le tennis n'a jamais été une discipline olympique au tennis. Enfin, c'est quelque chose de relativement récent. Je sais pas, c'est autre chose. Moi j'ai peur, pour répondre à ta question et à toi aussi, du coup, par rapport à toutes les réformes qu'on entend pour réformer la Coupe Davis, moi, je ne pense pas qu'elles soient bonnes. Par exemple, faire un Final Four, c'est complètement dénaturer l'histoire du machin et le principe de la Coupe Davis. Quand tu vois une finale à Lille, Tim, t'y étais, tu peux nous raconter l'ambiance, tout ça. Le faire un Final Four dans un terrain neutre, qui ça va intéresser, quoi? Non, bah, certainement pas les fédérations. Mettons par exemple, tu fais une finale à, je sais pas moi, à Montpellier, à Genève. Mais à New York par exemple, et où il n'y a pas les États-Unis, qui ça va intéresser? Bah ouais, surtout que t'es quand même relativement loin, quoi. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, et au-delà de ça, je sais pas si tu vas être d'accord, mais je pense pas que, bon, après toute proportion gardée, mais de rajouter des points ATP et jouer que sur ça va forcément redynamiser la Coupe Davis. Moi je pense qu'il y a un petit phénomène d'individualisme chez les joueurs qui est beaucoup plus prononcé qu'il y a certaines années. Je pense notamment à la Coupe Davis 2001 où on la remporte avec SQD, etc. Là il y avait quand même beaucoup plus un sentiment collectif. Aujourd'hui les joueurs privilégient énormément leur carrière perso. Est-ce que le plus gros problème, c'est peut-être pas le prize money avant les points TP, quoi? Mais les deux. Tu penses que c'est 50-50? Peut-être pas un peu plus le prize money d'ailleurs qui joue? Ouais, et puis les calendriers de plus en plus fournis, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Ça joue aussi. Et puis comme dit Vincent, je suis d'accord avec lui, c'est le problème de génération aussi. Pareil, voilà, c'est pas un tournoi qui est maintenant prestigieux, donc la plupart du Big Four l'ont déjà remporté. Peut-être que les jeunes, il y aura un petit engouement s'il y a quelques réformes pour rendre la compétition plus attrayante. Mais ouais, le problème de génération et le calendrier sont importants aussi. Donc je passe à une deuxième partie, quels efforts peuvent être faits? Moi j'en ai un seul, bon après c'est peut-être pas mon avis, tu vois, mais c'est interdire les exhibitions. Alors je sais pas si c'est possible, mais pour moi les exhibitions en plein milieu d'année, des exhibitions à Doha, forcément dans les pays du Moyen-Orient ou en Asie, qui donnent beaucoup d'argent, ça pour moi ça dénature le calendrier du tennis. On peut que être d'accord. On peut à rigueur faire des exhibitions comme on a dit, au début d'année. tu sais, pour faire quand même un peu de préparation. Là, ouais, ils gagnent beaucoup d'argent s'ils veulent quoi que ce soit. Mais en pleine année, pour moi, un match d'exhibition, ça devrait être un match caritatif uniquement. D'ailleurs, j'ai l'impression que je ne vois que dans le tennis où il y a des matchs d'exhibition en pleine année qui sont uniquement liés à l'argent et pas caritatif. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, Flo, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on l'est tous autour de cette table. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas empêcher un joueur ou un promoteur qui met du pognon de l'organiser. Enfin là, on l'a vu avec la Lever Cup, c'est Federer qui via son agence de management qui l'a organisé. Donc, il arrive, il met du pognon, il dit voilà, ce week-end là, pouf, qui vient jouer. Forcément, donc, l'argent appelle. Malheureusement, je suis d'accord avec toi. Il faudrait l'interdire, mais comment tu peux l'interdire? Ouais. Bah, débat encore plus large. Je suis pas. On met des barrières, quoi. Commencer à filtrer peut-être un peu sur les montants au niveau de ces matchs d'exhibition. Peut-être essayer un peu de réduire la masse salariale. Je suppose que quand même l'ATP ou l'ITF doit avoir peut-être des. Un certain regard, peut-être. Mais ils ont même pas un certain regard. Parce que regarde, la Lever Cup, elle s'est jouée cette année pendant des tournois. Bah, je sais pas, peut-être ils ont rien dit parce que c'était Federer, c'était les grands joueurs de l'ATP, quoi. Mais oui. Oui, mais bon, peut-être c'est l'ATP parce qui que devrait un peu plus jouer son rôle. Mais non, mais l'ATP, qui c'est l'ATP? Qu'est-ce que c'est l'ATP? Je sais pas, on n'est pas dans un cours, donc tu peux enchaîner, s'il te plaît. L'ATP, ce sont les joueurs. D'accord, très bien. D'accord, merci. Merci. Non, mais je veux dire, quand ce sont les joueurs, demain, ça veut dire que ce sont eux qui... Non, mais il a un peu raison. Mais non, mais oui. Oui, c'est qu'effectivement il y a un directeur de l'ATP, mais sinon c'est l'association des tennismen professionnels. Quoi. C'est l'association des tennismen professionnels, donc c'est eux qui font. Sans eux, l'ATP n'est rien, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est quand même bizarre qu'il n'y a qu'au tennis qu'on fait ça, quoi. Qu'on fait des matchs d'exhibition comme ça, tranquille, avec des pétrodollars qui organisent des trucs sur des terrains assez atypiques. Bon, voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est terrible. Ouais, du coup, de ce que je vous entends, n'importe quelle réforme, donc sur ce qui est envisagé, j'ai vu le passage de 3-7 à 2-7, le passage du Final Four. Ah oui, ça c'était pour le tennis en général, ça. Ouais, etc. Donc ça ne fonctionnera pas. Alors qu'est-ce qui peut. Est-ce qu'il y a que le fait que les 4 meilleurs joueurs de la planète. Non, il n'y a pas que ça, il y a le pognon. Mais je pense que c'est. Enfin, pour rebondir à ta question, Théo, je pense pas qu'il y ait une mesure qui soit meilleure que l'autre, l'une que l'autre, de toutes celles qu'on a précitées. Pour moi, c'est vraiment un gros passage à vis de la Coupe Davis, comme j'ai dit un peu avant par rapport à l'individualisme des joueurs. Et peut-être que d'ici 3-4 ans, ça va rebondir, tu vois. C'est un gros creux, quoi. Parce que c'est moi qui dis ça, mais est-ce que vous êtes d'accord tout de même pour dire que la Coupe Davis est quand même moins importante, peut-être pas moins médiatisée, mais je sais pas, moins prédominante dans le tennis mondial cette année en ce moment? Parce que moi, c'est ce que je trouve. Elle est moins du fait qu'il n'y ait pas les grands joueurs. Ouais, bah une fois qu'ils l'ont gagné, ils reviennent plus, quoi. C'est-à-dire, moi, je me rappelle des matchs, enfin, ça remonte à 10 ans et tout, mais des Espagne-Argentine où tu avais Del Potro-Nadal face à face. Ouais. Parce que Nadal, je sais pas s'il avait déjà gagné à l'époque, mais en tout cas, il revenait régulièrement. Il y avait même Ferrer, Verdasco, tout ce que tu veux. Roger, voilà, il a gagné en 2014, il n'a pas envie de revenir. On peut revenir sur cette année et. C'est vrai que face à la France, il y a personne. Il y avait Goffin qui voulait après, gagner. Voilà. Après, ouais, c'est aussi. Après, type, tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais c'est aussi inhérent à la saison qu'on a eue. C'est que si tu veux, les blessures, etc. Me semble quand même que Murray, le premier tour de la Coupe Davis, il le fait, tout comme Djokovic. Djokovic, il le fait justement après son parcours à l'Open d'Australie catastrophique. Il va jouer la Coupe Davis, il va jouer le premier tour, et que effectivement, à partir des demi-finales, ces mecs-là, ils n'étaient plus là puisqu'ils ont arrêté leur saison. Je suis 100% d'accord. Voilà. Ouais. Et puis, quand on voit quand même l'année dernière la finale de la Coupe Davis, Argentine Croatie, donc t'as un match Del Potro Cilic. Ça envoie quand même. Hein. Voilà. Énormissime. Oui. Bon an, mal an, finalement, même les meilleurs arrivent encore à être là. Oui, pour moi, je suis assez d'accord. C'est une année vraiment où on a rarement eu autant de blessures dans le top 10. Voilà, tu prends même Nishikori, Raonic, tout ça. Fatalement, tu le payes sur les grandes sélections. C'est normal qu'ils prennent plus de temps sur leur carrière perso. Après, pour les réformes, si je peux rajouter quelque chose. Bien sûr, pour terminer, s'il te plaît. Toutes les réformes qui sont annoncées, on dit faire comme la Fed Cup, par exemple, passer au lieu de jouer sur 3 jours. Oui. Passer à deux jours. Jouer les matchs en 2-7. Enfin, moi, j'ai peur que ça. Passer à 5 joueurs, etc. Voilà. Moi, j'ai peur que ça dénature encore plus la Coupe Davis et que ça la rende encore moins attractive. Comme on le voit avec la Fed Cup aujourd'hui, Je sais pas si autour de cette table vous pouvez me dire quelle était la finale de la Fed Cup cette année. Mélorussie. Voilà, parce que vous êtes. Non mais ouais, faut vraiment connaître là par contre. Je connais pas Martin Chill, voilà. Voilà, parce que voilà, je pense que vous en avez parlé quand même. Oui. Voilà. Un tout petit peu. Mais je veux dire, malheureusement, dans le grand public en France, alors l'année dernière on l'a su parce que la France était. Était en finale, mais je veux dire, dans le grand public français, on sait pas quoi. Enfin... Ah bah là, même tu vas à un club de tennis, tu demandes les trois quarts, ils sauront pas, à mon avis. Ok. Sans problème. Je te remercie, on va terminer là-dessus. Au final, j'ai beaucoup plus parlé que prévu, mais bon, c'est un sujet très. Très très important, je trouve. On va continuer avec la deuxième pause musicale, et c'est Madeon, Pay No Mind. C'est un jeu arbitre à droite. Smiling, roses blooming in her cheeks, in a quiet kind of litany. She accepts on the feet, and then she drove into the arms of disgrace and then repelled. But she's fallen to her knees, but you couldn't ever tell. And then she asked me how we got here. I told her I don't know. And if you keep on asking, I'll just keep saying so. This isn't what I want. Retour sur Sport & Chill. C'était Madeon avec le titre Pay No Mind. On passe tout de suite à la parole et aux Chillers. La parole est aux Chillers. On va commencer tout de suite avec le coup de gueule, coup de cœur. Non, coup de cœur pour une fois. Pour écoute, Miguel Cotto, c'est ça? C'est ça, le boxeur portoricain qui est un de mes favoris, qui a un boxeur exemplaire avec une hygiène de vie parfaite depuis le début de sa carrière. C'est une, il a une belle histoire de ville aussi, pas mal de galères dans un petit bled de Porto Rico, qui a vécu une ascension avec beaucoup de travail et détermination dans la boxe. C'est un boxeur très réputé parce qu'il a une boxe très spectaculaire, très généreuse. Il a refusé jamais aucun combat, c'est-à-dire qu'il a affronté tous les meilleurs de sa génération, les Mayweather, les Pacquiao et j'en passe. Et c'est un boxeur qui arrive à l'âge de 37 ans, qui détient une ceinture majeure, la WBO, des poids moyens. Donc c'est quand même déjà à noter. Et il la défendra pour la dernière fois ce week-end. Face à un japonais, donc voilà, c'est à souligner. C'est quand même une... un japonais, qu'est-ce que je raconte? C'était le combat précédent où il avait battu Kamegai, le japonais. Du coup, là, il va devoir affronter Salam Ali, un boxeur américain, un jeune prometteur aussi. Donc voilà, je vais regarder ça avec un petit peu de nostalgie et de plaisir parce que c'est un boxeur qui m'a beaucoup marqué, qui m'a donné beaucoup de plaisir en tant que fan de boxe. Et ça va être évidemment un petit moment difficile pour moi d'accepter ses adieux, mais on attend ça avec impatience parce que ça promet encore une fois un dernier combat spectaculaire et en plus à enjeu puisqu'il détient encore cette ceinture des poids moyens. Donc voilà, un grand monsieur aussi de la boxe, moins connu que certains dans l'ombre, mais un très beau boxeur qui va nous quitter malheureusement ce week-end. Ok, très bien. Bon, on est désolé, on peut pas réagir à la boxe. Non, mais c'est presque triste ce qu'il dit là. Bah, c'est oui, dur bon, parce que c'est vraiment qui va nous quitter ce week-end. Ouais, quitter la scène de la boxe évidemment. Ouais, mais après, c'est vrai que j'avais envie de le mettre en lumière. C'est un boxeur qui, pour les connaisseurs, est vraiment très spectaculaire, très impressionnant. Qui a un palmarès assez impressionnant puisqu'il a 4 ceintures dans différents. Il a des ceintures dans 4 catégories différentes. Donc c'est quand même une épreuve assez importante. C'est pas beaucoup qui ont réussi à faire cet exploit là, et c'est vrai qu'il est un petit peu dans l'ombre malgré sa générosité. Donc voilà, avec ce palmarès et ce style spectaculaire, j'avais envie de le mettre en lumière pour son dernier combat pour confirmer. Comment il s'appelle? Miguel Cotto. Voilà. Donc voilà, c'est passé. Un grand champion qui va quitter la scène. Qui nous écoute, hein, les portoricains. Voilà. Voilà. Adios. T'as toute ma sympathie et toute ma sympathie. De toute façon, j'ai pas le choix parce que okay. Vu la carrure et le regard du garçon, vaut mieux pas le chercher. On va passer un coup de gueule cette fois-ci, je suppose, hein, ouais. entre Urios et Galtier. C'était la petite image de ce week-end au rugby. Ouais, c'est une altercation suite à une décision arbitrale un peu litigieuse. Il y a les Le ton est monté en fait entre le manager de Castres donc et le manager de Toulon, Galtier. Donc, Castres c'est Urios. Et en fait ça a un peu dépassé les bornes parce que en fait Urios a juste foutu une baffe à Galtier. Parce qu'apparemment Galtier aurait insulté, enfin il y a eu des mots entre les adjoints. Bougez là les mêmes parties avant la fin du match parce qu'il s'était engueulé avec un adjoint de Urios. Donc en fait c'est juste sur l'image qui est donnée, qui est vraiment pas bonne, quoi. Et en plus il n'y a pas eu d'excuses derrière, on sait pas vraiment pourquoi il y a eu ces gestes. C'est pas classe, on sait que Urios il a tendance à péter les plombs et à s'emporter, mais là je pense qu'il va prendre un peu cher avec la commission de discipline parce que c'est vraiment pas un geste acceptable sur un terrain de rugby. Ça va au final entre coachs, non? Il y a Galtier qui s'est bien pardon, qui est bien reculé. Ouais, surtout enfin au rugby en tant que joueur, je sais, mais entre coachs ça s'invective, mais de là à venir c'est quand même assez rare. Mais je pense que Galtier Il avait envie de réagir, mais il s'est bien. Ouais, il s'est bien contrôlé, mais je pense que c'est peut-être lui qui a déclenché la mèche parce que on l'entend sur France 2, il est peut-être très sympa, il fait des bonnes blagues, mais il est assez sec et très très froid avec ses propres joueurs, avec son staff, mais également avec les adversaires. Donc il y a peut-être une phrase qui est sortie qui a fait péter les plombs à Urios. Bien Galtier sans filtre. C'est ça. Pour le match France-Japon, il faisait quand même bien la gueule. Ouais, quand tu te prends une bœuf par Urios, je pense que tu as ça. On a l'impression que d'année en année, il est de plus en plus blasé. Ouais, non, mais surtout il est dans le dur. Il est sérieusement remis en question par Boudjelal. Ok, on va terminer avec un coup de cœur et on reste sur le rugby avec le 15 du Chardon, l'Écosse. Bah oui, je voulais faire une petite pensée pour le 15 du Chardon qui, depuis de nombreuses années, avait toujours cette étiquette de cuillère de bois qu'on jouait avec l'Italie, oui. qui prenait toujours des tôles face à la France, l'Angleterre, etc. et qui depuis cette année, quand on regarde les résultats, bon, hormis le 6 Nations où ils ont fini 4e, depuis c'est une victoire en Australie au mois de juin, déjà, 24-19 je crois, ils perdent de 5 points face aux Blacks il y a 2 semaines de ça, 17-22 à Murrayfield, et surtout... 19-22 je crois même. 17-22. 17-22, ouais, 5 points. Et je crois samedi ou vendredi dernier, 53-24 face à... quasiment aucun style de l'Australie. Donc ouais. Là, bon, je ne sais pas si j'exagérerais pardon, en disant que l'Écosse est devenue une nation majeure de l'hémisphère nord, mais bon, en tout cas, depuis 6 mois, c'est clairement le cas. On attendra des confirmations autour de la destination à venir, mais moi, en tout cas, j'attends beaucoup de choses de cette équipe. Et à mon avis, une des conséquences de ces bons résultats, c'est le fait qu'il y ait deux équipes principales qui fournissent la plupart des équipes de la sélection. Glasgow, la plupart des joueurs de la sélection, pardon. Donc avec Glasgow et Edimbourg, peut-être un modèle à méditer. Homogène, pour, ouais, peut-être un modèle à méditer pour l'équipe de France, parce que quand à l'époque, on avait Toulouse et Biarritz, ça marchait très bien, quoi. Non, et puis enfin, les cas, ouais. Je sais pas, en tout cas, c'est bon. Évidemment, Vertkotter a beaucoup fourni les bases de cette équipe là. Townsend a repris les rênes de l'équipe. Pour l'instant, ça se passe très bien, donc ok. Non, puis l'Écosse était un peu l'équipe qu'on disait qui était virevoltante. Ouais. Elle produisait beaucoup de jeux. Elle avait un problème de puissance qu'elle a su régler. Et depuis qu'il y a Vertkotter, ça tournait déjà mieux, même s'il n'y avait pas forcément toujours les résultats QCB. Mais là, ils ont quand même mis 53-24, comme tu le disais, à l'Australie. Et il manquait quand même Stuart Hogg, Dunbar, ouais. Jones, Gray, Ford, Red. Enfin, il manquait quasiment toute l'équipe type. Donc, ouais, sacrée performance. Et je pense qu'on va avoir une sacrée surprise au tournoi destination. Ouais, et... clairement. Et à mon avis, le tournant majeur, à mon avis, pour cette équipe-là, pour cette génération-là, c'est le tournoi. Ça a aussi été... Ouais, mais au-delà de ça, ça a aussi été le quart de finale en 2015. Ouais. Perdu de 1 point face à l'Afrique du Sud. Face aux Australiens. Aux Australiens, encore une fois, oui. Mais de manière dramatique, parce que, bon, ils auraient dû le gagner ce match. Et, mais bon, c'était Craig Joubert, l'arbitre, qui avait fait un très très gros match encore. Ouais. On critique souvent l'Écosse sur le fait qu'ils envoient du jeu, mais qu'au final, dans les moments importants, dans les matchs importants, ils n'arrivent jamais à. Qui craquent dans les 20 dernières minutes. Ouais. On les attend en finition, on attend de voir ce qu'ils vont faire. En effet, les test matchs ne sont pas la réalité du Mais par rapport au test match, s'ils continuent cette lancée, techniquement, ils devraient finir soit deuxième, soit troisième. Ouais, oui, Après, on a quand même l'Irlande et l'Angleterre qui produisent. Qui ont un 15 type qu'ils ont depuis longtemps. Ouais. Bon, l'Angleterre, ils ont un peu régénéré leur équipe, mais surtout l'Irlande. Et là, ça va offrir de superbes matchs entre Écosse, Irlande. Clairement, pour vous, les trois qui vont disputer la Coupe, c'est Irlande, Écosse et Angleterre. Ouais. Ouais, je pense. Et l'Italie et la France pour la cuillère de bois. Oui, puis c'est le Pays de Galles qu'on n'arrive pas trop à juger ces temps-ci, parce que. Ils ont eu un état de grâce pendant quelques années. En méforme, mais ils ont beaucoup d'absents comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, c'est beaucoup avec l'équipe B, pour l'équipe C. Quoi. Toi, tu parlais de renouvellement de génération pour l'équipe de France. Je pense qu'il en faut un aussi pour le Pays de Galles. Ouais. Et puis pour l'Angleterre, ça a déjà été fait. Ok, donc là, très bien. Nickel, on est à l'heure, on a rattrapé notre retard. C'est beau. Pour le moment fatidique, celui que surtout une personne attend aujourd'hui parce qu'il a fait le quiz, c'est le jingle quiz. Sport and chill, le quiz. Et donc le quiz spécial tennis aujourd'hui proposé par Vincent avec environ 10-11 questions si je me trompe pas. Et on est en équipe, c'est ça, Flo? Ouais, vous êtes en équipe. Bah, moi, je l'attends spécial parce que je vais peut-être pouvoir battre Yacine pour une fois. Oui, il y a des chances, hein, je suis pas forcément entre côté. C'est ce que je me dis. Ah, clairement, oui. Après également, moi, Vincent. Oh, Vincent insiste pour être à ma place. Je sens qu'il peut. C'est le fauteuil. Tu peux y aller si tu veux. Hein. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Et du coup, vous sentez la puissance. Padrino, tu sais. Vous regardez pas le. Regarde, moi je me mets là si tu veux. Si tu veux, le chat, si tu veux. Parce que t'as peur. Mais pas tes lunettes. Tu envoies d'ailleurs. Allez. C'est bon ? Tu dis bien si c'est rapidité ou si c'est toi, pas de soucis. Alors, donc, du coup, première question, rapidité. Est-ce que vous pouvez me dire le plus jeune vainqueur de match en Master 1000, s'il vous plaît ? Connor. De l'histoire ? De l'histoire. Connor. Zverev ? Non. Non, mais c'est vous pourrez dire plusieurs. Team. Non. Alors c'était à Monte Carlo en 2002. En 2002. Monte Carlo en 2002. Oui. Nadal. Non. Rafa. Non. Non. Encore. Rodic. Non. Non, il était. Corias. Non. Il est de quelle nationalité ? Et il avait quel âge ? Il a dit Quarten ? Non, pas Quarten, non. Non, 2002, trop. Ouais. Il est français. Ricci. C'est Richie Gasquet. Richard Gasquet. Ah ouais. C'est là où il bat Roger, non? Ouais, c'est là. Non. Non, c'est pas. C'est en 2005 qu'il le bat. Ah. Donc il bat au premier tour Franco Squillari. Oh, David Nalbandian. Puriste. Je sentais qu'il y aurait du Richie dans ce questionnaire. Toujours. Questionnaire. Là. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez me dire le premier Français vainqueur d'un grand chelem? Noah. Non. Henri Cochet. Non. Lacoste. Non. Lecomte. Non. On va me le. Vous étiez plus proche, Flo et... Gasquet. Ouna. Chartrier. Non. Dommage. Dommage. Mec qui dit n'importe quoi. Nastase. Alors c'est faux. Donc c'était face à René Lacoste en 1924 à Wimbledon. Le mec, Suzanne Lenglen. Gâche à 5. C'est le premier français ou pas de française? Non, non, le premier français. Ah oui, c'est que du tennis masculin, de toute façon. Fouf. Ça nous met des. Là, c'est chaud. Question Wikipédia. C'est un des quatre mousquetaires. Alors oui. D'Artagnan. Portos. J'invite à mettre un point pour le. Non, non, j'ai pas moi. Tu peux pas nous dire son prénom à la rigueur, peut-être. Alors, on fera les savants si on le sait. C'est hein. La rapidité. Jean. J'avais dit que c'était gâché ça. Galfion, non. On est nul là. Oh, ouais, mais c'est. Ouais, ouais, surtout ouais. Quand je vais vous le dire, vous allez. Attends. Alors, attends. C'est évident, alors. Ah non, je sèche. J'en perds. Donnez tous votre langue au chat. Oui. Jean Borotra. Ouais. Bon. Ouais, c'est le basque bondissant. Yacine moins 1. Est-ce que c'est vrai, Vincent? Ouais, honnêtement. Je l'avais sur le bout de la langue. On le surnommait le basque bondissant. Allez, continue. Voilà. Donc, ensuite, quel est le seul joueur à avoir gagné les 4 grands chelems, la Coupe Davis, les JO en simple et le Masters? Agassi. Connors. Agassi. André Agassi. Agassi. André Agassi. Oh là là. Bien joué. Oui. Quel talent. J'allais dire. Bien sûr, c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse. Non, je crois pas. Tu es malhonnête. André Agassi. Quel événement a été éclipsé par le match Mahut-Isner à Wimbledon le 24 juin 2010? La reine est venue sur le court. Ouais. Numéro c'est central. Ça, exactement, c'est ça. Bonne réponse de Flo. J'ai jamais vu mon Flo si concentré. Hein. Ouais, c'est donc, j'ai la hargne. Plus que quand il prétend pour la... J'ai vu Lucas Pouille hier. Pour la petite histoire, la reine Elisabeth II n'aime pas beaucoup le tennis. Elle ne vient que très rarement à Wimbledon. La dernière fois qu'elle était venue, c'était en 1977. Pour la victoire... Pour elle s'est rappelé l'adresse pour la victoire et la dernière... C'est trimestriel finalement. Comment? C'est devenu assez trimestriel finalement. Voilà, assez trimestriel. Pour la victoire de l'anglaise Virginia Wade, et qui est donc la dernière victoire d'une anglaise à Wimbledon. Elle était venue. Voilà, c'est donc elle n'est pas venue pendant 33 ans. C'est incroyable ça. Ouais. Ouais, c'est dur ça quand même. Même pas la guerre des Malouines. Est-ce que c'est pas, alors, c'est pas un vrai anglais. Une autre question, Wimbledon. Ah, bah. Et encore aussi, famille royale. Je vais vous demander quel est le seul membre de la famille royale à avoir joué Wimbledon. Le prince Harry. Non. Charlie. Non. George. William. George le gosse. George. William. Ah, George 6. Eddie. George 6. Ah, oh, j'ai dit. George 5. Oui, Hyacinthe. George Hyacinthe. Alors, George VI, donc, qui est le père d'Elisabeth II, il a joué un match en double avec Louise Grieg, qu'il a perdu voilà, au premier tour. Louise Grieg on fire. Voilà. C'est le seul membre de la famille royale à avoir joué à Wimbledon. Tu l'as pas fait aussi? C'est bien. Non, j'ai pas osé. Alors, une autre question. Quel était le dernier match de Pete Sampras? Ouh là là là. Est-ce que... Contre Roger Federer? Non. Non. Sampras, Santoro. Non. Alors déjà, je vais vous demander l'événement le tournoi, oui, si vous voulez. Et le stade surtout. Et surtout le stade du Arthur Ashe, la US Open. Ouais. Et bah, quel, quand, je veux dire le stade le. Flushing Meadows. Oui. Oui, mais l'année. Arthur Ashe. Tu veux? Oui, l'année et surtout le. Non, pas le jour, le stade de la compétition. Si c'était un premier tour, le stade de la compétition. 99. La température. 97. Apparemment, doux et ensoleillé, hein, 26 degrés. Jouez, les gars. Aidez-moi. 2000. Légèrement inventé. Non. Demi-finale de l'US Open en 2001. Non. 99. Non. Demi-finale de l'US Open 98. Non. C'est peut-être pas demi, hein. Peut-être une quart ou quart de finale. Le ring, genre, un combat de ring. C'est compliqué. Moi, je sais plus. Tu vas pas être motivé. Est-ce que tu peux nous, je sais pas, nous donner juste si c'est une demi-finale ou on va trouver la date. c'était une finale. Une finale en 96. Celui qui est plus près de la date, moi j'ai dit. Il a plus arrêté. T'as dit 2001. J'ai dit 2001, ouais. Bah, c'est toi le plus proche. 2002. Bah, attends. Laisse les autres. Nous, on débite 2001, du coup. T'es en 2002 ? 2002. Bon, mais face, tu cherches, on cherche le finaliste, enfin celui qui a gagné quoi. Non, bah après ça va être trop long. C'est trop compliqué, donc du coup, Yacine, je vais te mettre en point. Donc c'était la finale de l'US Open 2002 face à André Agassi. Et il s'en va sur un titre du Grand Chelem. C'est le dernier. C'est lui. Voilà, le dernier match de sa carrière. Voilà, son 14e. Je pense que je devrais avoir un point juste pour avoir dit US Open. Et je donne un point à Flo. Bien sûr. C'est marchand de tapis à côté. Et un point à Yacine. Il a raison de négocier, il a raison. Un vendeur de carpettes. Allez, une question sur mon joueur préféré, Raphaël Nadal. Ah, que d'humour. Il a gagné 75 titres dans sa carrière. Et donc là, je vais faire un tour de table. Ok. Combien de titres sur terre battue? Ouh. 74. Non, ouais. Donc ça sera le plus proche ou celui qui a le. Ouais, il faut compter Barcelone, il faut compter Monte Carlo, il faut compter. Je vais commencer du coup. Vas-y. Je vais en mettre 48. Je vais dire. J'ai peut-être mis un peu trop, peut-être. Un poil. 39. Allez, 44, nous. Ouais, 42. Ouais. C'est moi, je suis sûr, c'est moins de 40. Et donc, la réponse était. Suspense. 53. Oh, c'est Flo. 53. Maman, c'est ton nid. 53 sur 75. Ouais, c'est incroyable. C'est un team qui nous fait un CSC, quoi. Allez. Alors, question sur Fred Perry, qui a gagné 8 grands chelems, ouais. Qui a effectivement créé sa marque de vêtements. Il a aussi gagné un autre titre, qui est un peu moins connu. Est-ce que vous saurez me dire lequel? Dans un autre sport? La Open Cup. Dans un autre sport, oui. Au golf? La Ryder Cup? Non. La Coupe de l'Amérique? Au cricket? Non. La Route du Rhum? Non. Au curling? La. Au polo? La FA Cup? Le marathon du monde qui fait 2017. J'aurais pu gagner le marathon de New York. Donc je vous demande un titre dans un autre sport. Ne me dis pas qu'il y a eu la bague MVP. Non, donc ça va aller, aller assez vite. C'est un sport de balle. Il a été champion de NBA? Chess Abunta. Champion du. De handball? Champion du. Ping pong. Ah non, non. Il était pongé, il était champion des États-Unis. Champion du monde de ping-pong. Champion olympique de tennis. Champion d'Europe de ping-pong. T'as dit champion du monde en premier? Ouais, c'est oui. Champion du monde. Champion du monde de tennis de table en 1929. Ouais. J'avais pas la date par contre, mais. Voilà, non, mais ça, non, je te la demandais pas. Et puis. Joli. On va le chercher, Yacine, pour une. Voilà. Donc, alors là, ça va être une question. Question pour un champion. Oui. Je suis. Salut, les gars, écoutez, s'il vous plaît. Alors, écoutez, parce que les règles vont changer. Donc, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 4 points sur cette question. D'accord. Je suis d'un bon terrain. toute mauvaise réponse sera éliminatoire. Aïe. Donc, vous avez le droit à donner qu'une seule réponse. Donc, je vais dérouler. Je vais vous dire comment ça est. Tom, tu peux mettre une musique, s'il te plaît. Vas-y, Vincent. Et plus ça va aller. Et moins vous aurez de points, d'accord? Ok, vas-y, ouais, je t'en prie. Et la musique? Je crois que c'est qui va gagner un million, je suis désolé, j'ai pas question. Donc, question, qui suis-je? Je suis un joueur né en 1966. En 1983, je réalise le Grand Chelem en junior, performance jusque-là inégalée. Un an plus tard, un tragique événement a failli mettre un terme à ma carrière sur un service. Une balle heurte un juge de ligne qui décède quelques jours plus tard. Donc ça, c'est pour 4 points. Donc si vous avez une réponse, vous pouvez la dire. Mais si elle est mauvaise, vous serez éliminé, d'accord? Pour 4 points. T'as dit né en 66, c'est oui. Ça? Il y a mon père qui est né en 66, mais je ne sais pas ce que c'est pour ça. Non, mais d'accord, moi, c'est lui. Vas-y, tu peux continuer. Je continue. Donc du coup, pour 3 points. Donc je reviens plus fort et m'impose en 1985 à l'Open d'Australie, performance que je réédite en 1987. Entre 1988 et 1990, je vais 3 fois en finale de Wimbledon pour 2 titres. Putain. Pour 3 points. Du coup les points baissent, hein, parce que. Après vous pouvez prendre le risque, hein, mais. 3 Wimbledon, c'est ça. 3 fois en finale de Wimbledon pour 2 titres. Je vais tenter. Vas-y. Ivan Lendl. Éliminé. Ah, ce petit suspense. Bien le. Ivan Lendl n'a jamais gagné Wimbledon. Bon, c'est pas grave. Donc je continue donc pour deux points cette fois-ci, mais je m'incline lors de ma seule finale de Roland Garros en 1989 face à Michael Chang, vainqueur de 41 titres dont 6 grands chelems et le Masters. Bjorn Borg. Non. Éliminé. Ah, je Alors, attendez, je termine non. numéro 1 mondial en 1991 et 1992. Oh, si je prends ma retraite. Je l'ai, mais j'ai un trou. Je prends ma retraite lors de la finale de la Coupe Davis 1996 perdue par la France, me blessant lors du premier match. Pour le grand points. Serveur là. Pour oui, deux points. C'était ah. C'était un éclair. Allez, on se dépêche. Continue Vincent. Je continue. Donc pour un point, et là ça va aller très moi, vite. Je vois très bien que c'est, mais je crois que c'est entre nom, 2014 et 2016, je suis l'entraîneur de Roger Federer. Je suis suédois. Oui, c'est... Je l'ai. S'ils l'ont pas, je peux avoir un demi-point. Ah, mais je l'ai. Feynman, l'entraîneur. C'est bon, non. Je l'ai. Ah, putain, c'est incroyable. Son nom. C'est incroyable. Sur mauvais. Attends. Ah oui. Attends. Zlatan Ibrahimovic. Attends. Non, là, c'est bon, c'est terminé, là. Non, mais c'est terrible que je m'en souviens plus. C'est bon. Feynman, c'est comment il s'appelle, l'autre. Attends. Flo, tu auras un demi-point. Tu auras un demi-point. Non, attends. Non, mais là, on va pas non plus. C'est horrible. C'est bon ? Vas-y. J'espère que c'est ça. Stéphane Edberg. Edberg. Bah oui. Évidemment. Donc un demi-point pour Flo, je te le rajoute. Pour terminer. C'est pas du tout ce que j'avais en tête en fait. Ah merde. Pour terminer, il faut toujours garder le meilleur pour la fin. Deux questions Federer. Voilà. Ouais. Voilà. C'est mort en Donc, 95. Question tour de table. Entre l'US Open 2004 et Indian Wells 2007, Roger Federer a perdu 10 matchs. 2 ans et demi. Donc ça. Putain. Combien en a-t-il gagné? Oh, tour de table. C'est là où il était tout le temps numéro 1 mondial. Là. De ouais. quand t'as dit Vincent, excuse-moi. De l'US Open 2004 à Indian Wells 2007. Ouh. Il a dû en enchaîner là, à mon avis. Comme moi l'an dernier. Tour de table. 2004, 2007. Ça fait 3. Là, tu commences de l'autre côté du coup. Ouais, bah du coup, Yassine. Merci, il passe la balle. C'est malin comme ça, chérie. Le premier, ouais, parce qu'en fait, ah, c'est bien. J'ai ouais, en fait, comme j'ai pas trop d'idées du nombre de matchs par an que ça peut représenter. Ouais, allez, essaie de gagner du temps là. Essaie de gagner du temps. Ouais, mais je sais, mais j'ai peur de faire un chiffre. Bon, allez, je me lance. Hein. J'ai rien à perdre après. Non, c'est mon grand. Oui, de toute façon, t'as perdu. Pour une fois. 3 ans, quand même. La mort dure 3 ans. Ah putain. Ou si les autres, vous avez la réponse, je vais dire 135. 135 pour Yassine. Je vais dire pas loin, tu vois. Ok, moi je vais dire. On concerte. Allez les gars, dépêchez-vous. Moi je vais dire, allez, je continue parce que sinon on va pas. Je vais dire. 125. 125 pour Tim. Ouais, et Guy. Oublie pas. Moi je vais dire 142 par exemple. Ouais, moi j'étais à 100. 150. Il a fait 150. Des calculs de l'opération. Hein. Des calculs d'apothicaire. Alors, c'est Théo le plus proche, mais vous en étiez quand même assez loin, puisqu'il a gagné 201 matchs en 2 ans et demi. Putain. Voilà, donc. Quand certains ont dit que Djokovic avait eu la plus grande domination de l'histoire du tennis, ça ferait mieux de revoir leur classique. Donc, point pour Théo. Il a gagné au moins 20 matchs à l'ATP de Montpellier, donc c'est pas. C'est vrai. Et donc, dernière question sur Roger. Alors, le 7 juin 1999, Roger Federer s'incline au premier tour du Queens contre Byron Black. Oh là là, chine. Que fait Byron Black aujourd'hui? Et bien alors, figurez-vous qu'il a été numéro 1 mondial en double. Putain. Ah, en double, voilà. Ouais. Et c'est un Zimbabwéen, je crois. Chèvres, ouais. Putain, voilà. Zimbabwéen. Alors, donc, attendez, c'est pas fini. Le 8 juin 2008, il s'incline en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal. Ouais. Quel est le point commun entre ces deux matchs? Attends, j'ai pas compris. Il perd le 8 juin 2008 face à Rafael Nadal. Voilà, en finale de Roland Garros. On peut dire autant de propositions qu'on veut. Mais là. C'est le même joueur. Il perd en 3. Oui, attends. Ça, donc, le 7 juin 1999, ouais. Roger Federer s'incline au premier tour du Queens contre Byron Black. Okay. Le 8 juin 2008, il s'incline en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal. Ah, voilà, d'accord. Quel est le point commun entre ces deux? Il perd en 3-7. C'était un jeudi ou un mercredi? Non, c'est plus élaboré que ça, je pense. Il met moins de 5 jeux. Oui, mais c'est pas ça que j'attends. Il se prend des tolls à chaque fois, quoi. Donc, oui, il se prend des tolls à chaque fois, mais t'es pas loin, mais du coup. Il se prend 2-7-0. Enfin, il prend 2-6-0. Bonne réponse. Oh. Ce sont les deux seuls 6-0 encaissés par Roger Federer dans sa carrière. C'est débile. Et c'est. C'est incroyable, ça. Et c'est voilà, les deux seuls, et c'est aussi le plus grand temps pour un joueur sans avoir encaissé un 6-0. Il pourrait le battre dès l'année prochaine. C'est fou, quand même. C'est incroyable. Contre un illustre inconnu. Même nous, on aurait pu mettre 6-0 joueur à choix. Et donc, j'exagère. Très le vainqueur du quiz. On a le temps de faire une autre question pour que tu te fasses rattraper ou pas? Allez, vas-y, dernière. On a le temps, bon, encore une question. Tu m'invites pas la victoire, vas-y. Une question. Celle-là, non. Comme la France, quoi. Salut. Une question sur Roger encore. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Roger Federer détient le record de semaines passées à la première place mondiale. Je le sais. Putain, il est un peu mon fou finalement. Ouais, finalement, 310. Non, de toute façon, c'est pas ça la question. Merde. Combien. Non, mais il pourra jouer. Hein. Ouais, combien de semaines consécutives a-t-il passé la première place mondiale? De semaines consécutives, il a dû en passer. Donc, tour de table, hein, pareil, la plus proche. On va la chercher. 170 pour Yacine. C'est pas loin. C'est en semaine, c'est ça? Oui, ouais. En semaine. 220 ou un truc comme ça, non? 105. Flo, 105. En tant que numéro mondial. Ah, en tant que numéro mondial. Oui. C'est ça. Il est resté 5 ans, je crois. Vas-y, Flo, tu pourras changer. Hein. Au total, hein, tu veux dire. Sur toute non, consécutivement. Il est resté 302 semaines au total. Consécutivement. Sans. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, tu vois, c'était bien ça. J'ai dit 310, j'étais pas loin, semaine. 310. Ah, mais t'as donné la réponse, là ? Non, allez-y. Ah. Consécutivement. Combien de semaines ? C'est pas consécutivement, il est resté 302 semaines. Ok, d'accord. Guys. 57. 57 ? Tu me dis, là ? Moi, je reste. T'es sûr de ça ? 57 ? Ouais, il a dit 57. Il a dit. Théo ? Si peu ? Ouais. 150, allez. Encore 150? Ah, il y en a un deuxième? Oui, t'avais dit 150 pour le. Écoute, ça va porter chance la première fois, alors pourquoi pas celle-là? Non, moi je dirais un peu plus du coup. Mais non, mais par 50, attends, il y a mal compris la question, moi. Bon, bah 150. Allez, 130, moi. 130? Donc, du coup, bon, j'aurais 57, 130. Et donc, Flo? Non, bah j'ai déjà dit une fois, donc 105. C'est beau pour une fois. Non. Donc, il est resté consécutivement numéro 1 mondial. J'avais pas écrit celle-là. De février 2004 à août 2008. Ah oui, donc plus de 4 ans. Oui. 237 semaines. Oui. Bordel, bougeable quoi. Donc c'est Yacine qui remporte le point. Mais c'est Flo qui gagne. C'est Flo qui gagne le quiz avec 3,5 points. Voilà. Comme je l'avais dit, et Yacine qui ne gagne pas. Non, mais je ne peux pas toujours gagner. Et Guillaume qui ne gagne pas non plus. C'est moins historique, ça, par contre, c'est banal, peut-être même. Hélas. Bon, on va terminer sur l'agenda de la semaine et sur les pronostics. Sur l'agenda de la semaine, cette semaine, il y a du foot étranger, mais aussi de la Ligue 1, puisqu'il y a des matchs avancé. Mardi, par exemple, il y a Watford-Manchester United ou Leicester-Spurs en Angleterre. Et en Ligue 1, il y a par exemple Bordeaux-Saint-Etienne. Mercredi, il y a Manchester City-Southampton, Arsenal-Huddersfield, Chelsea-Swansea. En Ligue 1, il y a Guingamp-Montpellier, Lyon-Lille, Metz-OM, Nantes-Monaco, Toulouse-Nice et PSG-3, et notamment PSG-3 qui sera en clair d'ailleurs, donc ceux qui veulent regarder du foot gratuitement. Bon suspense en plus. PSG-3, ouais. C'est au moins trois débuts. C'est là où il y avait 9-0 quand ils ont gagné. Vendredi, ça sera l'un des pronostics de la semaine, c'est Naples contre la Juventus en Serie A. Samedi, Leverkusen, Dortmund, Arsenal, Manchester United, Atlético, Real Sociedad, Bilbao, Real Madrid. En Ligue 1, Strasbourg, PSG, Monaco, Angers, Nice, Metz. Wow. Et dimanche, Saint-Etienne, Nantes, Caen, Lyon, MHSC, OM. En rugby. En rugby, donc on l'a dit, il y a le Stade Rochelet qui reçoit Montpellier, le Stade Toulousain qui recevra le Castres Olympique, Toulon contre Lyon, et on notera en clôture le Stade Français contre le Racing, le derby francilien. Oui. En basket. Alors en basket, j'ai un petit Détroit-Boston qui est pas mal, Wolf Thunder aussi, Et puis le Thunder aussi qui jouera contre les Spurs dans la semaine. Et après en boxe, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre Tony Parker exactement. Après en boxe aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier combat pour la ceinture des poids moyens WBO de Cotto contre Ali. Et aussi localement, on a les championnats régionaux de boxe amateur à Montpellier avec deux combats pro aussi, dont Shahin Naga. Donc voilà. C'est parce que Sylvain nous avait parlé d'ailleurs. C'est ça, ce week-end à Albert Batteux après Darren. Donc voilà. Venez nombreux. Okay. Très bien, en handball, Lidl Star League, Dunkerque-Montpellier, Nantes, ça sera le deuxième pronostic, Nantes-Nîmes, PSG de Tremblay. En Champions League, PSG, Aalborg, Veszprém, Kielce, Nantes, Barcelone. Et dernière journée pour les poules basses de Ligue des Champions, Motor Zaporosier recevra Montpellier. En sport de glisse, donc tout ce qui est ski, biathlon à Östersund toujours. Jeudi, c'est le 20 km homme, le 15 km femme. Vendredi, le 7,5 km femme. Samedi, le 10 km homme. Et dimanche, 10 km poursuite femmes et 12,5 km poursuite hommes. En ski, chez les hommes, c'est à Beaver Creek aux États-Unis. Descente le vendredi, samedi c'est le Super G et le slalom géant dimanche. Et en femmes, c'est à Lake Louise au Canada. Descente vendredi et samedi et Super G dimanche. En ski de fond, un combiné nordique, ça sera à Lillehammer ce week-end. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les autres sports? Non. Rien d'autre. C'était plus de tennis. Plus de tennis, plus de cyclisme. Voilà. Plus il y a beaucoup de F1. Sport. Plus de F1. À l'année prochaine. GP, ouais, donc, à plus. Il nous restera le ski. Non, on va finir avec les pronostics. Dunkerque-Montpellier au hand et Napoli-Juve. Est-ce que tu veux commencer, Vincent? On n'a pas fait de hand, alors on commence. Original. Pour du hand aujourd'hui. À Montpellier, à Dunkerque. Montpellier ou Dunkerque, juste, je te demande juste le vainqueur. Ouais, Montpellier, on va pas leur porter la... Non, pas d'écart. On va pas leur porter la Guinée. Mais Montpellier aussi, oui. Ouais. Tout le monde est Montpellier, je suppose. Également. Montpellier aussi. Dunkerque. Non, je rigole. Montpellier, ouais. Moi aussi. Peut-être un match nul, hein. Grosse contre, ouais, peut-être un match nul. Dunkerque est quatrième hein, de D1, donc c'est un gros match. Malheureusement, je pense qu'on est un peu chauvin sur ce coup-là. On verra bien. Ouais. Deuxième match, Napoli-Juve, là, les scores, évidemment. On commence de l'autre côté, Théo. 2-1 pour le Napoli. 2-1 pour le Napoli. C'est au San Paolo. Pour moi. 1 partout pour Guillaume. 2-1 Napoli. 2-1 Napoli pour Yacine. Kim, je vais dire Napoli, ouais. Je vais dire comme Yacine, 2-1. Vincent, tout le monde dit comme Yacine. Il y a 3-2. C'est vraiment ce que j'allais mettre à la base. Moi, si vous voulez, je mets 2-0 pour différencier, mais s'il y a 2-1. Victoire du Napoli. Victoire du Napoli. Combien? Allez, 1-0, ouais. Tiens, pour. Et moi, je suis Guillaume sur ce coup-là, un partout. Merci, t'as bien fait. Voilà, on va terminer avec le remerciement. Merci à tous d'être venus ce soir, nombreux. Merci à toi. Ça nous a fait plaisir. Merci à vous tous. Merci avec à toi. Merci à Marceline. Merci. Salut. Évidemment à la technique, à Tom, évidemment, avec ce super son comme d'habitude. Toujours, mais j'ai d'une main de maître. The Master. Et merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement, je crois qu'on a des invités. On vous tiendra au courant sur la page Facebook, évidemment. Donc à lundi prochain, 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut. Ciao. Salut. Let's for service.